moi aussi, d'accord. Bah, s'il y a des questions. Ouais. Comme ça, on gagne un peu de temps avant que les autres ne viennent. C'est ce qui t'a plu de faire. Je peux faire un album, j'en ai plein. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Avant que qui? Ben, il y a deux. Il y a au minimum Christine et Estelle qui ne sont pas venues. Quatre. C'est qui? Vous aurez expliqué la garde de Christelle et les deux amis de Christelle. La garde? La garde de tout. Qui avait parlé de ça? Il y avait quelqu'un qui a... C'est non, c'est pas non, la dernière fois. Ouais. C'est quelqu'un qui avait posé la question sur les témoins de Jéhovah. Ah, la garde. Je sais pas. La tour de garde, c'est pas la garde du tout. C'est quoi? Qu'est-ce que... Dans les prospectus que partageaient les témoins de Jéhovah, ouais. Dans chaque il y a la tour de garde. Mais c'est quoi? Tour de garde, comme le mot le dit, c'est donc tu as le mot garde, tu as tour. Donc avant, les militaires, les soldats, ils tenaient dans des tours pour inspecter, surveiller. Mm-hmm. Donc ils sont en garde dans ces endroits-là. En fait, ça définit tout simplement que chaque témoin Jéhovah, comme le mot le dit, témoin, est un soldat pour la venue du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu. Mm-hmm. C'est ça le sens. Voilà. C'est-à-dire que chaque témoin est un soldat qui est en garde dans cette garde de tour pour surveiller la venue du royaume de Dieu. Les chrétiens disent le royaume de Dieu parce qu'ils pensaient que Jésus est véritablement le roi que les Juifs attendaient, et que son royaume c'est dans les cieux, et que son royaume viendra vers la fin des temps. Donc chaque témoin est là pour accomplir ce devoir. Voilà le sens. C'est bon? On dirait qu'on vous a muselé les bouches. Après, on a planifié que le sujet... Quoi, oui, ça c'est autre chose. Mais si vous avez des questions parallèles avant... Oui, moi, la dernière fois, j'ai posé une question et vous m'avez dit que j'ai totalement écouté. C'était quoi? La dernière fois, on avait soulevé le sujet des gardes des enfants. Oui. On avait dit c'est en fonction de l'âge, en fonction du sexe de l'enfant. Et moi, je ne me rappelais plus. Et je voulais faire un point avec vous. Bah, c'est vrai, il faut écouter. C'est vrai, il faut écouter quand on parle. Pourtant, on en a parlé. En fait, il y a un sujet de jurisprudence. Dans la jurisprudence, il y a toujours des divergences. Les divergences sont utiles parce que ça donne un champ d'utilisation, de contextualisation. Ça veut dire que les humains vivent dans des contextes catégoriquement différents. Si on donne une loi absolue, une seule loi, ça peut être des difficultés pour certaines personnes qui vivent dans l'environnement où cette loi n'est pas conforme. Donc c'est pour cela dans l'islam, les lois ne sont pas des lois. D'abord, dans le Coran et les hadiths, ce n'est pas des lois, ce sont des concepts. Les lois, c'est les hommes qui le posent en fonction des circonstances de vie dans lesquelles il se trouve. Donc il y a le concept général. Par exemple, la démocratie, c'est un concept. Par exemple, l'égalité, le droit, tout ça, ce sont des concepts. L'égalité entre les gens, c'est un concept. Maintenant, le sens de l'égalité dans un milieu peut être différent dans un autre milieu. Est-ce que vous voyez? Donc, si on donne des règles spécifiques d'un lieu, par exemple, la démocratie française n'est pas conforme dans certains endroits. Parce que c'est la laïcité plutôt française n'est pas conforme dans certains endroits. Parce que c'est une laïcité qui est relative aux circonstances dans laquelle la laïcité est née en France. Le conflit avec l'Église. Et certains endroits n'ont pas connu ces conflits-là. le roi a été décapité en France à la suite de cela, alors que les familles royales existent jusqu'à présent dans beaucoup de pays européens. Par exemple, en Angleterre, la dynastie continue. En Espagne, ça continue. Et presque dans tous les pays occidentaux, à l'exception de la France. En France, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de famille royale. Parce qu'on a déjà aboli ou bien détruit la royauté. Donc, la laïcité française a connu ce conflit-là, alors que dans les autres endroits, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que quand tu vois le régime français est différent de celui de l'Angleterre. L'Angleterre, il n'y a pas de président. Tu as compris? Alors qu'en France, il y a le président. Parce que le roi existe toujours, la fonction de roi existe toujours. Donc, ça représente la tradition et tout. Maintenant, le côté politique de l'Angleterre est représenté par le Premier ministre. Oui. Donc, dans beaucoup de pays. Donc, tu vois, déjà, dans un seul environnement européen, il y a des différences. Donc, si on prend certaines lois de la France, on veut l'appliquer en Angleterre, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas les mêmes concepts. Donc, voilà un peu les lois, qu'elles soient dans l'islam ou dans n'importe quel milieu. Donc, les enfants, en fonction des milieux, donc on disait que la garde en islam des enfants n'est pas une garde, c'est pas une garde, c'est une forme de garde alternée, on peut l'appeler alternée, mais ce n'est pas une garde alternée journalière, parce qu'en France on va par exemple une va avoir les week-ends, l'autre va avoir le reste de la semaine, alors que en islam c'est pas le cas. En fait, la femme a l'obligation de s'occuper. Ce n'est pas le droit, c'est l'obligation. Attention, faire la différence entre le droit et le devoir. C'est un devoir de s'occuper de l'enfant la nuit, parce que l'enfant a besoin de sa mère, surtout dans ces circonstances-là, parce qu'elle n'est pas, elle a besoin de quelqu'un. Quand on va aller dormir, le sommeil, c'est un lieu de recueil. Elle a besoin de sa mère, surtout au niveau de la propreté et tout ça. Alors que si, surtout si c'est un garçon, il a beaucoup plus besoin de son père dans la journée, parce que le père va l'amener avec lui au champ, à la chasse et tout ce que tu veux pour l'entraîner à être un homme. Alors qu'à la maison, il peut pas trouver cette éducation masculine. Donc tu vois, donc le petit va avoir beaucoup plus besoin de son père la journée et beaucoup plus besoin de sa mère la nuit. Donc, en fonction de cet intérêt lié à l'enfant, on autorise chacun de s'occuper de l'enfant. Peu importe l'âge. Jusqu'au moment qu'elle soit autonome, qu'il soit autonome, qu'il n'a plus besoin de sa mère. C'est-à-dire voilà. Parce qu'il y en a, c'est 30, 6 ans, par exemple. 30 ans, 40, 40. 60 ans, ils ont toujours besoin de... Justement. Non, mais c'est très important. En fait, c'est très important ce que vous dites. C'est très important ce que vous dites, mais faites attention. Mais autour de quel sens? Justement, autonome, c'est autonome. Autonome, autonome, c'est autonome. Un enfant est autonome. Quand on dit enfant, on dit autonome. On sait ce que ça veut dire. Non. C'est quoi autonome? Pour moi, oui. C'est qui sache la nécessité de se le faire tout seul. Ça veut dire manger, boire, s'asseoir. Et c'est ça, autonome. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Voilà. Il y a quelle sorte d'autonomie encore à un enfant? Affective. Il n'y a jamais eu d'autonomie affective, ça n'existe pas. Tu as entendu le mot autonomie affective? Voilà. Autonomie, c'est savoir s'habiller, savoir. Oui, ouais, pas. Ne pas avoir besoin de quelqu'un. Ça, par exemple, moi j'ai mon enfant de 2 ans, il est autonome, mais je pense qu'il a besoin de savoir. Qu'est-ce que tu appelles besoin? Hein? Voilà. Il faut vraiment. Faire attention au sens des mots. Hein? Qu'est-ce que... Oui? Je note pour vous. Donc, tout simplement, normalement, un enfant à l'âge de 6 ans n'a pas besoin de celui qui va le nettoyer, qui va le faire manger, ainsi de suite. Donc, il est autonome. Si c'est un garçon... Il peut, maintenant, il va être dans la charge des hommes. pour qu'on l'entraîne à être un homme. Si c'est une fille, il va être à la charge des femmes. Pour qu'on l'entraîne à être une femme. Et ce que j'ai voulu dire tout de suite, de faire attention, c'est que de ne pas prendre les concepts européens et les généraliser. C'est ça la erreur qu'on fait tous les temps. Je vous le dis et je vous le redis. Les concepts occidentaux contemporains sont des accidents. Ce n'est pas des règles. Vous allez dans tout le monde entier, vous allez voir que les gens fonctionnent presque la même façon et différents catégoriquement de l'Occident, de l'Europe. Oui. Ouais, mais après, on est quand même des individus d'Occident. Enfin, tu vois, on est... Oui, je suis parfaitement d'accord. Prenez les règles occidentales, localisez-les. Ouais. Mais ne le généralisez pas au plan mondial, humain. Non, d'accord. Mais ça que je voulais dire. Ouais, mais après, par exemple, quand on parle de l'éducation d'un enfant, ou même de n'importe quel aspect de nos vies, pour certains, on a la chance d'avoir une double culture. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je veux dire, après, comment est-ce que tu veux, par exemple, que... Un Français qui va éduquer ses enfants avec des valeurs, je sais pas moi, d'Afrique ou du Proche-Orient et tout ça, de partage ça, alors que les parents ils vivent en Occident, qu'ils ont une éducation en Occident. C'est très important ce que tu dis. Que les enfants ils sont scolarisés dans des classes avec, tu vois. C'est... Attends, la question est posée sur quoi ? Sur en fonction de quoi ? En fonction de quoi ? Sur quoi ? Quelles règles ? Règles de quoi ? Moi je parle d'islam. Hein ? Sur les règles de l'islam, je parle. Très bien, voilà. Donc, écoute, toi, tu as posé la question. Oui, non, mais parce que... La question a été posée sur les règles de l'islam. Mmh. L'islam n'est pas local. Mmh. Est-ce que vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Donc, quand je veux te reprendre, je ne te parle pas de l'islam de France ou à la française. Oui, je te reprends en fonction de ce qui sont les règles de l'islam. Après, je vous dis, je vous ai dit tout de suite, qu'il y a une conceptualisation, une contextualisation des règles. Après, on fait attention, c'est ça l'importance des lois. Les lois sont locaux. C'est-à-dire, une loi s'applique dans un endroit donné, dans une période de temps donnée. Elle ne se généralise pas. C'est une grosse erreur de prendre une loi d'un endroit pour amener quelque part. C'est une erreur. Les lois politiques, juridiques, les règles éducatives, elles ne se déplacent pas. On ne peut pas les envoyer quelque part. Parce que quand on amène des règles éducatives dans un endroit d'enseignement, les personnes par lesquelles, au sujet desquelles on va les appliquer, ne connaissent pas les réalités dans lesquelles ces règles ont été... ont été gérés, ont été faites. Par exemple, quand on prend des lois, d'ailleurs, il y avait eu des erreurs qui se sont passées dans le passé. On dit QI, c'est ça ? Les QI. Le calcul des QI. Les QI. Les quotients intellectuels. Les calculs des quotients intellectuels. On a pris certaines quotients intellectuels basées sur des paramètres européens, contexte européen, pour justifier l'intelligence de certaines personnes en dehors de l'Europe. C'est une erreur. Un enfant, un Marseillais, un petit Marseillais, vous pouvez lui amener, je ne sais pas moi, des tentes. Vous voyez, des tentes dans le désert. Avec plusieurs choses, vous essayez de mesurer son intelligence. Au nombre des choses qu'il arrive à savoir, on calcule sa caution intellectuelle. Mais quand tu lui amènes les tentes et autres choses qui existent que dans le désert et que lui n'a jamais été là-bas, on lui pose la question, on va voir qu'il va répondre moins de réponses. Si on prend ces mêmes choses, on amène en Arabie ou on amène dans les pays désertiques, les petits, même sans aller à l'école, automatiquement ils vont répondre à beaucoup de questions. Et là, on va dire que l'enfant qui se trouve dans le désert est plus intelligent que celui qui se trouve en Europe à la base de ces critères. C'est faux. Mais maintenant, les IQ, c'est plus valable. Ils ont démoli ça. Oh non, mais c'est ça. Mais bon, c'est... Même si on n'a pas démoli, c'est clair. Si vous avez compris. Arriver à savoir la capacité intellectuelle d'une personne, c'est une erreur parce que chaque personne a un facteur dans lequel il est bien. Qu'il a développé ses connaissances et dans les autres endroits il n'a pas pu développer ses connaissances. Si on fait le test basant sur là où il a développé ses connaissances, on va le voir super intelligent, alors que les autres on a basé sur les lieux, les choses sur lesquelles il n'a pas développé sa connaissance, on va le considérer et traiter comme bête. Comme c'est un dogme. Donc, un dogme, c'est quelque chose que tout le monde a accepté que c'est fiable. Eh bien, l'autre va se passer comme quelqu'un qui est bête. Il finira par l'admettre. Parce que la preuve, c'est que dans son QI est petit. Alors que c'est faux. Donc, vous voyez, même nos réactions, comment elles ont des effets à l'égard de la mentalité de l'individu, même socialement, même sur la mentalité d'une société entière. Donc, pour revenir à ce que disait Yamila, c'est ça le truc. Quand vous me posez la question sur l'islam, je veux vous répondre dans ce qui concerne l'islam. Et l'islam est une religion universelle qui existe partout. Donc, elle a des concepts. C'est sans ces concepts-là qu'on explique, qu'on dit. C'est pour ça, justement, une réponse d'une question n'est jamais la résolution du problème que la personne veut résoudre. Une partie vient de la personne qui répond et l'autre partie vient de la personne qui écoute dans son application. Si tu me poses une question, je te dis, quand tu vas aller à l'application, tu vas voir qu'il va y avoir des complications. Parce qu'il y a cette part qui doit venir de toi, que tu dois mettre les efforts pour pouvoir l'assumer. C'est-à-dire, moi, je ne pourrai jamais te donner la réponse catégorique et totale de ta question. Jamais. Voilà. Bon, est-ce que quelque chose est clair dans toute cette histoire-là? Oui. Voilà. Moi, je voulais les mots. Vous avez dit qu'on a les devoirs. Mm-hmm. Et c'est pareil pour les pères. Ah, le devoir. Là, qu'est-ce que vous voyez, ma mère a les devoirs dans la nuit. C'est ça que je viens voir. Non, et dans la journée, c'est, si c'est un garçon, c'est défait. Voilà, est-ce qu'il a les devoirs ou c'est... Oui, non, en fait, je n'ai pas dit la mère a le devoir. J'ai dit qu'il y a un devoir d'éducation, oui. Ce n'est pas un droit. En fait, pourquoi j'ai souligné ce point-là? Parce que généralement, ici surtout, on évoque beaucoup le droit de garder les enfants. Donc, comme si on est en train de dire le droit de garder les enfants, alors qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas le droit, c'est un devoir de garder les enfants. Qu'il soit l'homme et la femme. Vous voyez? Donc, et ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas minimiser son dégât. Parce que ça interpelle tout ce qui est à l'intérieur même de l'esprit de la personne qui parle. Quand je dis mon droit, ça veut dire toujours que je réclame un intérêt qui me revient. Donc, l'intérêt de l'enfant est mis d'à côté. Parce que vous voyez? Mais quand je considère que c'est un devoir, là, c'est l'intérêt de l'enfant qui est mis en considération. Donc, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Dès qu'il y a un petit problème, donc dès qu'il y a un divorce, la grande partie des bagarres se passe sur les enfants. Et, bon, je n'accuse pas les parents, ni mère, ni père, mais généralement, la raison pour laquelle les gens ils se chamaillent sur les enfants est plus matériel qu'autre chose, ce n'est pas que affectif, c'est matériel. J'ai dit ce n'est pas que affectif, je mets même le mot affectif dans le matériel, parce que affectif ici c'est matériel, c'est-à-dire l'affection directe comme ça, la passion. Alors que c'est matériel, l'affection c'est matériel parce qu'elle est liée à la chair, à l'individu, ça c'est un. Il y a aussi la notion d'argent dedans. Vous n'allez pas accepter, mais c'est comme ça. La notion d'avoir les locations, la location familiale et les autres intérêts financiers. Il y a aussi ça dans la dispute des parents quand ils se divorcent d'avoir la garde des enfants. Et les deux choses que j'ai avancées sont plus matérielles qu'autre chose. Là, on n'est pas dans une circonstance logique. La logique ne fonctionne pas, c'est plus que la passion qui motive. Si la logique fonctionnait, on se préoccupe de savoir l'intérêt de l'enfant que de se préoccuper de savoir son propre intérêt. Parce que les parents, là, ils sont dans la recherche de leur propre intérêt. Moi aussi, je suis un père, je suis la mère, je l'ai mis au monde. Donc, j'ai le droit d'avoir la garde de mes enfants. Regardez même, on dit mes enfants. Comme s'ils sont des objets. Au milieu de tout ça, il y a des petits êtres, excusez-moi, je ne les ai pas minimisés, qui sont très fragiles et que le moindre mot peut les toucher profondément et peut avoir des conséquences très dramatiques dans leur vie. Rien que le père et la mère dans la maison, ils sont en train de se chamailler, disputer, les enfants sont angoissés. Et sachez très bien, avant qu'on arrive à un divorce, on a plusieurs fois disputé d'abord. On est d'accord ou pas? Et on s'est humilié plusieurs fois devant les enfants. Je dis bien humilié. Ben, l'homme va insulter sa femme va l'insulter. En haute voix, les enfants sont là. Si ça ne passe pas au tabac, des fois. Les enfants sont là. Ils voient. Ne pensez pas, ils ne disent rien et que ça ne le touche pas. On sait très bien que même le fœtus dans le ventre, il sent ce qui se passe entre les adultes dehors. Est-ce que vous avez compris? À plus forte raison quand ils viennent au monde. Le petit vient de naître et le petit, on voit qu'il ne dit rien. Mais non, c'est faux. Il sent ce qui se passe. Donc, je pense que notre sagesse, humain je parle, n'est pas arrivée où on dispute. Regardez, comme le Coran nous interpelle. Qu'est-ce que le Coran dit? Que quand il y a dispute, que ça ne se passe pas dans le salon. Quand ça ne passe pas dans la chambre, par exemple. Ce qui veut dire que s'il y a une dispute entre un homme et une femme, il faut que ça reste entre les deux. Et que ça ne doit pas sortir. Parce que la première fois quand ça va sortir, les premières personnes qui vont l'entendre ou ça va atteindre, c'est les enfants s'ils sont à l'intérieur de la maison. Donc déjà ça nous montre que quand il y a des disputes, divorce entre le père et la mère, quoi. Non, mais j'ai dit le Coran et j'ai expliqué. Donc entre le père et la mère, c'est toujours l'intérêt des deux qu'ils mettent en avance. Ils gomment catégoriquement l'intérêt des enfants. S'ils mettent l'intérêt en enfant, les enfants en avance, ils ne vont pas se chamailler dans la maison, ils ne vont pas se crier dessus, ils ne vont pas se tabasser, ils ne vont pas se taper bagarrer à la maison. Voilà. Et après aussi, ce qui vient après le divorce, qui est la garde des enfants, généralement, c'est les intérêts matériels et aussi la soif de se venger contre l'autre. La soif de se venger contre l'autre. Oui, moi je prends. Du coup, on peut faire une introduction, ça fait partie des blessures que... Ah oui, bien sûr. Tout ce qui se passe dans notre vie, depuis notre naissance, jusqu'à l'âge de 5 ans environ, c'est là que les blessures se créent. Et c'est là que notre personnalité se constitue. Hein? Voilà. Même avant 2 ans. Non, j'ai dit depuis qu'on est né. Jusqu'à l'âge de 5 ans environ. Oui. C'est là que notre personnalité se constitue. Et les blessures, c'est là. Est-ce que de l'année, enfin, de notre conception, oui. on peut reproduire les mêmes erreurs que nos parents? Ben, certaines erreurs sont des erreurs éducatives. Éducatif. On est éduqué là-dessus. Ça veut dire l'éducation n'est pas ce que le père nous dit de faire. Oui. Excusez-moi si je peux me permettre. Oui. En ce moment, avec ma soeur, on étudie avec l'aide d'un psychothérapeute, psychanalyste qui vient à l'école des enfants. On étudie la psychogénéalogie. C'est-à-dire qu'il nous explique que nous, on porte les épreuves, les traumatismes de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et tant qu'ils n'ont pas résolu, qu'ils n'ont pas été extériorisés, on n'en a pas parlé. C'est ce qu'on appelle la mémoire héréditaire. La mémoire héréditaire. C'est la psychogénéalogie. Ah, oui. Et c'est super intéressant. Et quand ils nous racontent des histoires de personnes, par exemple, qui vont faire des choses, et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ce problème-là. Et quand on remonte plus loin, on comprend, mais c'est impressionnant. Il faut lire des expériences et des histoires pour... C'est vraiment très, très, très, très, très, très, très, très, très. En fait, nous sommes que le prototype. Pas que l'éducation, il y a aussi même dans la chambre. En venant sur le chemin, j'ai allumé la radio Et c'est une personne, donc une Africaine, qui témoigne, qui dit que dans son pays, elle a perdu, elle a été orpheline, à l'âge de 10 ans. Et elle a pu survivre. Ah, bon, elle est venue en France, tout ça. Elle a vu un psychologue, enfin, je ne sais pas c'est quoi le terme. Et elle a dit que à l'âge de 10 ans, elle est tombée enceinte d'un viol. Cet enfant-là, elle a mis dans une famille d'accueil. Elle a dit, j'ai revu ma fille pour une raison précise, c'est-à-dire qu'elle, elle a vécu la même chose que sa mère. Et pourtant, ils ne vivaient pas ensemble. Bon, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'elle avait vécu ça et que sa mère avait vécu ça que c'est obligatoire ou non. Ça doit être comme ça pour tout le monde. Disons, par des raisons qu'on ne sait pas du tout, c'est un accident. Et les accidents peuvent se répéter. Une personne qui est morte accidentellement, comme on dit, accidentellement. Non, mais pas génération à génération, il n'y a que deux personnes. Mais il y a des choses comme oui, qu'on n'a pas l'explication. Moi, j'ai des exemples sur des choses comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je connais une famille que c'est mes cousins presque directs. Tous qui sont morts, dans toute leur famille, ils sont que des garçons, des hommes. Des hommes, quand je dis des hommes, le plus grand et la plus. Il a environ l'âge de mon père ou même plus. Il est décédé. Ils sont tous morts avec des morts subites. Tous. Et il reste deux. On ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Mais sincèrement, je vous dis, 1, 2, 3, 4 sont tous morts de morts subites. C'est une maladie génétique, n'est-ce pas? Non, mais voilà. Il se préparait pour aller acheter des bagages. Il est commerçant. Le matin, donc la nuit, ils ont passé la nuit discuter. Le lendemain matin, il doit aller quelque part pour acheter des marchandises et revenir. Donc quand la personne part, beaucoup de personnes, certaines viennent, ils amènent de l'argent pour qu'ils l'achètent pour eux aussi. Le petit matin, sa maison est fermée. Les autres sont partis à la mosquée, ils ne l'ont pas vu. Ils sont venus poser la question avec les gens qui habitaient dans la même cour. Ils l'ont demandé. Il est dans la maison. Il leur a dit il est là, il est dans la maison. Ils sont venus, ils ont tapé la porte. Personne n'a ouvert. Ils étaient obligés de casser la porte. Ils l'ont trouvé, il est mort. Son petit frère, son grand frère est mort de la même manière. C'est pas un AVC ou quoi qu'il en est? Je ne sais pas. Il doit y avoir une maladie. Voilà. Je ne sais pas. Dans tous les cas, de la même manière. Ça, c'est. Deuxièmement, il y a le non. Après, ça, c'est. Aux maladies cardiaques. Ça, c'est peut-être. C'est peut-être je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des maladies cardiaques? Je ne sais pas. Moi, je vous dis un effet, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut reproduire inconsciemment les mêmes erreurs que nos parents? Je n'ai pas fini. Ah. Alors, tu te trahis. Le troisième plutôt. Lui, il est mort l'année passée. Non, le troisième, lui, il a été. C'est une attaque. Dans une voiture, dont tu. Voilà, lui, il n'est pas mort sur le lit. Est-ce que vous avez compris? En fait, lui, avec mon propre père dans la même voiture, avec la fille de mon frère. Quand ils ont tiré, donc la balle a traversé ma nièce pour le tuer derrière. Ta nièce? Et la nièce, elle n'a rien vu? Elle est morte. Elle a traversé. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont tué. Le deuxième, le troisième, le quatrième, c'était l'année passée. Lui aussi, la même chose, il est parti dormir, il était avec les gens, il est parti dormir le lendemain matin. Il est mort. Moi, quand on m'a dit. Donc, mais il y a des choses comme ça. Maintenant, moi, je n'ai pas l'explication. Et je ne peux. Je ne sais pas si c'est héréditaire de mourir mort subite. Ah. Donc, il y en a certaines choses que, bien sûr, on n'a pas l'explication. Les phénomènes, on les voit, on n'a pas l'explication. Donc, certaines choses comme ça, on ne peut pas affirmer de cette manière. Mais, certes, comme elle a dit, il y a cette mémoire héréditaire qui, certaines choses se répètent à une même personne, une même famille, et continuellement dans la vie. Ça, c'est oui. C'est-à-dire que, Mais je pense que c'est plus que physique qu'autre chose. On a remarqué que les personnes qui ont eu de malnutrition, cette malnutrition va être héréditée et héritée par ses enfants. Et il faut un temps pour que ça disparaisse. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ça. Est-ce que vous considérez que la mémoire, c'est physique? La mémoire? Est-ce que vous considérez que c'est physique? Peut-être qu'il y a deux mémoires, parce qu'il y a les tissus intérieurs. En fait, pourquoi la théorie de Darwin, par exemple, quand on parle de la mutation, et que la mutation continue au fil des temps. Donc, ce sont des événements qui se passent, comment ça s'appelle? Ce sont des changements climatiques qui peuvent se passer à la personne. Et ces changements climatiques, à une certaine étape, ça pourrait atteindre les tissus intérieurs. Et c'est ça qu'on va hériter. Et c'est ça le changement de la couleur. Si nous admettons qu'on était tous d'un seul allié, donc, qu'est-ce qui explique la différence de nos couleurs? Disons la différence de notre morphologie. Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que vous avez compris? Les conditions climatiques et tout. Exactement. Les conditions, l'adaptation aux conditions climatiques. Parce que l'homme est en constante réponse à la nature pour s'intégrer. Bon, c'est le mot actuel qu'on utilise pour s'adapter. S'intégrer, s'adapter, c'est la même chose. Hein, pour s'adapter aux circonstances. L'adaptation ne se fait pas à la première génération qui émigre. Elle se fait au fil des temps. Est-ce que vous voyez? Donc, pour se conformer au milieu dans lequel on vit, pour pouvoir vivre, c'est une lutte avec la nature. L'homme est en constante lutte avec sa nature dans laquelle il se trouve. Donc, au fur et à mesure, les circonstances de la nature vont avoir des effets sur lui. Et c'est ça qui amène cette différence, que les gens se diffèrent. Ils sont différents. Voilà. Donc, ça se passe au fur et à mesure. Et ça se grave dans ce qu'ils appellent les tissus, voire l'ADN. Et à la fin, ça devient héréditaire. Donc, certains comportements pourraient l'être. Certains comportements pourraient l'être. Et le comportement, ça vient de la mémoire de la psy, du nafs. En fait, ce n'est pas le physique direct. Voilà. Donc, l'homme est constitué de ces choses-là. Ce qui est esprit, ce qui est égo et ce qui est physique. Mais du coup, ce qui est physique, on ne peut rien. Mais ce qui est du comportement, on peut quand même effacer cette mémoire pour s'améliorer. On peut améliorer, mais pas changer catégoriquement. Ça va rester toujours. Ouais. Mais on peut l'améliorer. C'est-à-dire qu'on va être conscient des événements et comment ça pourrait se faire pour prévoir à éviter ce qui va nous arriver. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous vous connaissez, vous êtes quelqu'un qui a une sorte de phobie à quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. Un sensor. Voilà. Ben, le sentiment que vous allez avoir quand vous allez dans un ascenseur, ça peut arriver à un moment que vous allez comprendre comment ça se manifeste. Donc, vous allez essayer de mettre des mécanismes en place pour éviter ces sensations, ces sentiments. Tels que si vous êtes debout, vous allez penser, vous allez dire, oh, quand je suis assis, ces sentiments-là, je n'allais pas les sentir. Donc, vous allez vous asseoir pour ne pas avoir ces nausées ou avoir ces trucs. Donc, vous pouvez comprendre comment les choses se passent et vous mettez des mesures avant de venir pour que ce que vous ne voulez pas ne se passera. Est-ce que vous avez compris? Donc, au fur et à mesure, vous pouvez la développer jusqu'à la fin. Ça pourrait être quelque chose que vous pouvez maîtriser. Je vous ai parlé une fois de la théorie de Pavlov. Ce russe. C'est quoi? C'est un russe, psychologue. Conditionnement, c'est le conditionnement. Le conditionnement. En tout cas, c'est grâce à ses travaux qu'on a pu mettre des systèmes et des règles de conditionnement. On a utilisé ces règles de conditionnement dans la manipulation des gens et même dans les tortures aux États-Unis. Donc c'est tout simplement ce qu'on appelle la réaction conditionnée ou inconditionnée. Ça veut dire que quand on réagit à quelque chose, il y a une réaction qui n'est pas, il est sans condition, inconditionnelle. Et une réaction conditionnelle. C'est quoi une réaction inconditionnelle? Quand vous voyez un serpent, ça va vous faire peur. On est d'accord? Un serpent, ça vous fait peur. Pourquoi? Parce que vous connaissez le mal, le méfait du serpent. Donc ce qui vous fait peur, c'est une peur naturelle et biologique. Du serpent, c'est une peur naturelle et biologique. Maintenant, quand vous allez voir le plastique qu'on fait en forme de serpent, vous avez compris? Ça va vous faire aussi peur. Alors qu'en réalité, cet instrument ne vous nuira pas. Mais pourquoi vous avez eu peur de ce plastique qui ne nuit pas, qui n'est même pas un être vivant? Pourquoi? Parce que vous allez faire revenir, vous allez conditionner la peur que vous avez dans le serpent, dans ce qui ressemble au serpent. Oui, mais si on sait que c'est du plastique, ça va. Même on sait, c'est les personnes qui ont la phobie, même ils savent, ils vont avoir une réticence. Hein? Même sur une image et tout, je peux pas, même si je vois la tête. Voilà. Donc vous avez compris? Donc vous êtes conditionné à avoir peur de tout ce qui ressemble le serpent. Vous avez compris? Et ça peut être loin. Ça pourrait être même la couleur, tout simplement. Vous avez peur de quelque chose qui a une couleur quelconque. Ça peut développer une peur de la couleur de cette chose en vous. Que vous n'avez même pas vu cette chose, mais c'est la couleur que vous avez vue sur quelque chose, ça vous fait réagir. C'est pour ça même nos goûts sont conditionnés. Nos goûts sont conditionnés. On pense qu'on choisit, c'est faux. On ne choisit pas. Oh, on agit sous conditionnement dans toute notre vie d'ailleurs. Alors ça veut dire quoi? C'est pareil pour tout? Pour tout. Pour tout. On est conditionné pour tout. Alors on n'est pas libre? Non, on est libre. Ah non. Si je suis conditionné pour. Non. Je suis conditionné à quelque chose, n'est pas obligatoirement que je dois obligatoirement réagir. Ou agir plutôt, réagir. Il y a une différence entre réagir et agir. Là où il y a la liberté, c'est dans l'agissement. Ce n'est pas dans la réaction. Je peux voir quelque chose qui va me faire peur. Mais ça ne m'inspire pas de fuir. D'accord. Je vais quand même combattre. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un peut voir et fuir. Vous voyez? Donc, ici, mon choix n'est pas, ou ma liberté, ou mon choix. Qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas le choix. Voilà. Ma liberté ici, ou mon choix ici, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de manifester la peur. Voilà. C'est ça, c'est là qu'il y a le choix. Tu dis quelque chose, ça va m'énerver. Autant je n'allais pas te déchiqueter. Est-ce que tu as compris? Donc, mon choix ou ma liberté va se passer par l'action accompagnée qui accompagne la réaction. C'est là que j'ai ma responsabilité. C'est là qu'il y a le choix. C'est là qu'il y a la liberté. Et c'est là que rentre la justice. Voilà. Parce que là, j'ai le choix de agir ou pas. Mais dans la réaction, la justice ne rentre pas. Dans la réaction. La justice ne rentre pas dans la réaction. Elle rentre dans l'action. La concrétisation de ce qui nous a fait réagir. Ou bien de la réaction. Voilà. Bon, qu'est-ce qui nous a amené à tout ça? La garde des enfants. Non, on avait posé une autre question. Oublie. Donc, Est-ce qu'on reproduit forcément ce... Non, c'était les trois. Est-ce que... On reproduit forcément ce que nos parents... C'est les pères. Est-ce que les pères ont le même devoir que la mère? Il n'est pas... on peut reproduire, voilà, justement. Est-ce qu'on reproduit forcément ce que les parents... l'éducation, ou bien qu'est-ce qu'on a dit, ce que nos parents ont fait? J'ai dit, il y a des fois des reproductions par l'éducation. Certains comportements viennent, bon, certaines choses viennent par l'éducation. Si on sait que si un enfant a l'habitude de voir son père battre sa femme, sa mère, il est fort probable qu'il va battre sa femme. Est-ce que vous avez compris? Juste après, parce que bon, c'est valable pour le père, mais généralement aussi les filles dont leur mère a été... elles vont subir elles-mêmes des violences de leur mari, mais il n'y a aucun rapport. Parce que du coup, c'est elle subit, elle... Non, mais il y a un grand rapport. Il y a un grand rapport. Parce que sa mère était passive, elle deviendra passive. Ça devient pour elle normal. Ça devient normal pour elle que... C'est normal qu'on la tape en tant que femme. Mais non, c'est pas normal. On dit ça dépend. Bien sûr, ça dépend. En fait, il n'y a pas des règles absolues. Ouais, c'est drôle, parce qu'un homme qui frappe, d'accord, mais une femme qui subit, enfin, tu sais, après, mais je sais pas. Ça, mais pourquoi la femme, elle se dirige, si elle a vécu ça dans son passé familial, pourquoi elle va se diriger vers son propre personne? Je n'ai pas compris. Parce qu'elle a connu tout ça. Laissez-la parler, si vous parlez tous, on ne va jamais comprendre. Mais en même temps, une fille, sa mère a été battue, elle se remarie, et en général, elle se remet en couple avec des hommes qui sont violents. Pourquoi choisir ces hommes violents et pas des hommes... Je crois que vous devez lire le livre... Oui, c'est justement ce que voilà. Je veux dire. C'est parce que les blessures, mais c'était les signes blessures. Mais elle dit des fois, on attire ce genre de personnes. Oui. Parce qu'elle est passive. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle accepte? Pourquoi elle... Bon, on ne va pas parler tous les deux ensemble. Hein. Moi, je vais me taire et je... Ah, pardon. Ah oui. Non. Parce que tout simplement, cette femme qui a vu sa mère se faire battre a eu, comme on dit, cette blessure de du rejet ou quelque chose comme ça. Et à la fin, c'est la manière de se protéger. En fait... La passivité aussi est une stratégie de protection. L'homme est constamment dans cette stratégie de se protéger de ce qui le nuit. Ça existe dans la nature. Regardez par exemple l'hérisson, quand vous touchez, il va se courber. Et c'est une manière de se défendre. C'est une défense. Est-ce que vous avez compris? Donc, la défense n'est pas seulement de se taper. On avait vu que Gandhi a créé ce qu'on appelle la défense passive, ou la révolution passive. Pacifique, non? Pacifique, voilà. La révolution pacifique. Gandhi. Gandhi, oui. Voilà. Et également, parmi les Américains noirs, vous voyez, les Américains noirs sont divisés en deux catégories. Face à l'injustice... américaine, ou bien blanche si vous voulez. D'autres sont des réactionnaires violents, et d'autres aussi ont prôné la paix, la passivité si vous voulez, ou bien la quoi? Le pacifisme. Le pacifisme. En fait, on pense que les deux sont opposés, mais en réalité, les deux sont les mêmes. Parce que les deux visent les mêmes objectifs. C'est-à-dire, l'autre pense qu'il faut passer par la violence pour pouvoir se protéger. Mais l'autre voit la chose dans le contraire. Il faut ne pas répondre pour se protéger. Et je ne dis pas que l'un a raison, l'autre a tort. Chacun a raison dans un contexte. Mais il faut casser tout ça. Hein. J'ai pas compris. C'est-à-dire il faut casser. Et non. Ça peut pas continuer comme ça. L'humanité était comme ça, ça continue comme ça, ça va être toujours comme ça. Si toi tu penses que la révolution c'est de se taper dessus, et de crois-moi, d'autres voient que la révolution ce n'est pas comme ça. C'est de ne pas se taper justement. Et les deux ont raison. Et on voit même dans l'évolution de l'humanité, je vais dire dans le temps, dans l'humanité, après l'autre, il va prôner l'autre. Dans les circonstances de violence, on prône le pacifisme. Donc, dès qu'on exagère, c'est pour ça la vie de l'homme, c'est le meilleur, le bien, c'est quoi? L'équilibre. Le milieu. Ce n'est ni l'un, ni l'autre. Ni la violence excessive, ni la passivité excessive. Bon, Bah, si ça continue comme ça, c'est-à-dire en fait l'autre, il continue à taper. Mais l'autre, elle serait silencieuse. Dans l'intelligence. Il faut casser tout ça. Qu'est-ce que tu vas casser? Je n'ai pas compris ce que tu voulais c'est-à-dire, dire. C'est-à-dire en fait, la femme doit, c'est, je ne sais pas moi. La femme doit quoi passif, elle doit... Non, mais elle, en fait, elle veut prendre conscience et arrêter le processus. De... Exactement. Après. On ne parle pas de la femme, moi je parle dans le cadre général de tout le monde, qu'il soit femme ou homme. Pourquoi toi tu vois que tu vois les choses que féminines? Femme. Il n'y a qu'une loupe qui ne voit qu'une seule chose, femme. Il ne voit que les femmes, il ne voit pas les hommes. C'est-à-dire ici, moi je n'existe pas. Mais ça fait ça ici, parce que Oui. Ça veut dire que moi demain je vais rencontrer quelqu'un, ça veut dire que je vais attirer la personne. Je vais reproduire les mêmes choses. Ah, non mais justement, c'est ça qui nous a poussé. Maintenant, pourquoi la personne va dans ce sens-là? Parce que lui, elle a besoin d'une protection. Son action, son acte qu'elle est en train de faire, le fait d'être passive, c'est une protection pour elle. Donc elle a besoin de protection. Mais quand on a besoin de protection avec une personne brutale, qui agresse, il y a la protection. Est-ce que vous avez compris? Elle prétend être protégée par cette personne, c'est pour ça qu'elle va se mettre avec lui. Mais cette agression ne se limite pas seulement aux autres, mais ça va se refléter à son égard, vers lui. Oui. Est-ce que vous avez compris? Mais quand ça revient à elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser sa même stratégie, qui est de ne pas répondre. Parce qu'elle va avoir peur de répondre et que ça sera pire encore. Donc voilà l'histoire. Elle va se mettre avec quelqu'un qui est opposé à elle. Parce que cette personne qui est opposée à elle, parce que lui, elle est passive. Ou passive. Passive. Et l'autre personne est active. Et dans l'action, elle pense avoir la protection des autres. Lui va le protéger des autres parce que lui, personne ne peut l'approcher. Maintenant, comment elle va faire pour se protéger de lui, elle, maintenant? Il faut qu'elle soit passive pour éviter ses foudres. Ouais, mais attends, parce que bon, moi, je connais quelques cas. Et généralement, un homme qui bat sa femme, c'est pas un homme violent dehors. Hein. Enfin, c'est pas quelqu'un que les gens craignent. Oui, oui. C'est pas... D'ailleurs, c'est même souvent des gens que quand tu connais l'intimité du couple, et si tu connais l'homme, ça te surprend. Généralement, quand tu vois un homme, généralement, il peut y avoir aussi d'autres cas dans lesquels, ben, ce qui attire à l'homme de taper sa femme, c'est parce que elle est passive. Elle est passive. Voilà. Pas passive. Mais comment elle se manifeste cette passivité? Moi, je comprends pas. La passivité. Elle ne dit rien. La passivité, c'est tout simplement d'accepter l'humiliation, si vous voulez, et ne pas répondre. Et pour casser cette passivité, il faut partir. Partir non. Où? C'est une fuite, ça. C'est la fuite, ça. Si on parle, ça ne change pas. Il faut faire face et connaître les réalités parce que dans ta vie, dans une vie d'une personne, c'est lui seulement qui connaît les réalités. Et ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à résoudre parce que chaque problème, chaque situation a ses solutions, a ses règles, que seulement la personne qui est à l'intérieur qui sait comment la résoudre. C'est pour cela, des fois, quand il y a ces problèmes, des problèmes sociaux, de couple ou d'autres, l'intervenant extérieur ne peut jamais donner toutes les solutions possibles. Il va donner des concepts. Il va expliquer certains cas, les cas, comment ça se traite, mais ça ne va pas des fois être conforme exactement à ce qui se voit dans le couple parce que la personne qui est à l'intérieur du couple, c'est celui qui subit, il sait exactement ce qui se passe plus que celui qui est à l'extérieur. Donc les stratégies mises en place, c'est seulement la personne qui est dans l'arène. Seulement qu'il peut savoir quelles stratégies il faut utiliser. Parce que chaque chose a son cas. C'est cas par cas. Il n'y a pas une règle générale. Alors que la personne qui conseille, il utilise des règles générales. Donc voilà le problème. C'est pour ça, quelles qu'en soient les circonstances, les conseils que vous allez demander à n'importe quelle personne ne seront pas satisfaisants totalement à 100%. Il peut vous approcher un peu, avoir un peu l'idée de la situation, mais pas vous répondre exactement à ce que vous voulez faire. Jamais. Et maintenant, ça va rester. Et heureusement, c'est comme ça, parce que sinon, l'individu va s'effacer. Donc, sinon, tu n'existes pas. Est-ce que vous avez compris? Parce que chaque individu, Dieu lui a doté des compétences et des capacités à faire face aux problèmes. Donc, chacun utilise sa stratégie. Justement, le pacifisme est une stratégie et la réaction aussi est une stratégie, les deux. Maintenant, ce qui est difficile, de savoir dans cette circonstance lequel des deux est convenable. La compatibilité, c'est ça qui est difficile à savoir. Mais ni le fait d'être passif, ni le fait d'être réactif ou actif n'est le meilleur. Ça dépend de quelle situation. Dans certaines situations, mieux vaut être passif que d'être actif. Réactif. Dans l'autre, il faut être réactif que d'être passif. Il faut mélanger en fait. Non, il faut utiliser chacun dans son endroit. C'est ça l'intelligence. Vous voyez, quand tu as une personne redoutable, très forte, que tu ne peux pas faire face, la solution, c'est d'endurer. Est-ce que vous avez compris? La solution, c'est d'endurer. Maintenant, si tu as la capacité de te défendre et que tu peux l'éviter en te défendant physiquement, ben, la solution, c'est de faire face et de attaquer. C'est ça la différence entre le christianisme et l'islam. Pourquoi? Oui. En fait, le christianisme est né dans une circonstance de domination. De domination et de persécution. Si vous connaissez l'histoire du christianisme, on n'a connu que des persécutions. Le christianisme est né, Jésus est venu dans une période où les Juifs attendaient le Messie. Messie qui va les libérer de la force romaine, païenne. Est-ce que vous avez compris? Qui sont des redoutables guerriers qui, à leur époque, peu parmi les peuples le font face. Avec un peuple faible. Donc la solution ici, donc Jésus va venir leur dire, si on vous gifle sur la joue gauche de temps, ça ne veut pas dire de te laisser gifler, non. Ça veut dire tout simplement d'utiliser ici la stratégie du passif. Sinon, au minimum, parce qu'il faut endurer quelque chose pour gagner quelque chose mieux que ce qu'on a enduré. Mieux vaut d'encaisser des coups que de perdre sa vie. Patienter quoi? Oui. Est-ce qu'on peut faire intervenir d'autres personnes? Bien sûr, s'il y en a. C'est une stratégie aussi, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous avez compris? Regardez. Patienter, ça ne change pas les choses. Ça change. L'homme toujours est là à vouloir garder la chose la plus précieuse. Toujours. C'est-à-dire, il fait toujours des compromis. Quand il perd quelque chose, il va essayer de garder, de moins perdre. Donc, dans toute sa vie. Quand on regarde des films, on n'a pas vu comment les maîtres d'esclaves traitaient leurs esclaves. Mais quand on regardait les films, on voyait que l'esclave, il est là, on est en train de le fouetter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Mais il est enchaîné aussi. Non, oui, je suis d'accord, mais même si on ne l'a pas enchaîné. Même si on ne l'a pas enchaîné. Et après qu'on l'a déchaîné, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Parce qu'il n'a aucune capacité. Le mieux, c'est d'admettre ou d'encaisser ces fouets violents que d'agir et qu'on lui coupe la tête. S'il reste vivant, bien sûr, avec ses coups. Oui. Non, il va rester vivant, bien sûr. Donc, vous voyez, donc, il va essayer de garder au moins sa vie. Et c'est ça, les gens aussi dans les prisons, quand on les torture. Les tortures dans les prisons. La personne ne va pas se suicider. Certaines vont aller se suicider, oui. Mais généralement, les personnes ne se suicident pas. La vie de l'homme, la vie est très chère pour l'homme. C'est très difficile de l'enlever. Si vous voyez que l'homme arrive à enlever sa vie, c'est que c'est la déception. C'est dans les déceptions que les hommes enlèvent leur vie. Quand ils sont déçus de la vie totalement, à ce moment, ils s'enlèvent la vie. Mais sinon, la vie est très chère pour l'homme. Donc, il va accepter toutes les humiliations pour sauver le reste. Si un homme violent attaque une femme, vouloir la violer, si elle refuse, elle peut aller le tuer. Si elle a peur de se faire tuer, elle va se laisser faire. Parce que sinon, elle va le tuer. Et il va le tuer. Donc, elle préfère cet acte ignoble que de perdre plus grave que ça, qui est sa vie. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est comme ça. C'est, en général, elles ne sont pas passives, elles se débattent, mais sauf que la Je n'ai pas dit passif. Elle va se laisser faire si elle sait que cette personne va arriver à le tuer. Oui. Et c'est quand on n'a pas d'espoir de se débattre, et que même si on se débat, ça va être pire. C'est pour ça, justement, les violeurs, ils passent toujours à des actes plus violents que le viol même. Ils tapent, ils massacrent. Ou bien un couteau, je vais te tuer, tu bouges. Ou bien une arme. Donc, une arme sur sa tempe, si tu bouges, je tire. Finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas bouger. Pourquoi? Parce que ce qu'elle va subir dans le viol va être moins pire dans sa perception que de perdre sa vie. Je dis, après, elle perd pour la vie. Oui, elle peut perdre la vie, elle peut ne pas perdre la vie. Donc, tout dépend de qu'est-ce que la personne a comme dans son esprit, qu'est-ce qu'elle perçoit de ce qui va se passer. C'est là qu'il va agir et il fait. S'il pense que subir le viol est pire que la mort, il va accepter d'être tué que de accepter le viol. Sinon, c'est l'autre côté. Bon, bref. Donc, je crois qu'on est sorti d'un truc pour aller dans un autre que je ne sais même pas ce que c'est. Ok. Moi, j'ai. Oui. En fait, dans ces cas, moi, ce que je me rends compte, et ce qui est triste, c'est que l'être humain, la plupart, ils vivent juste pour la peur. Pour la peur. On agit comme ça parce qu'on a peur d'être battu, on a peur d'être violé, on a peur d'être agressé, on a peur de ça. C'est juste pour la peur. Non, c'est pas là. Oui, c'est vrai. C'est en même temps la peur et l'espoir aussi. L'espoir quand on est optimiste. Hein? Quand on est optimiste, on pense à l'espoir. C'est l'espoir. Moi, non, ça, c'est pas vrai. C'est l'espoir et la peur. Ça veut dire on a peur et on a l'espoir de garder quelque chose mieux que ce qu'on va perdre. Et les deux sont ensemble. Dès qu'on se débat, c'est qu'on a l'espoir de pouvoir préserver quelque chose. Regardez les personnes les émigrés qui rentrent dans la mer pour venir. Ben, ils savent très bien qu'il y a possibilité de mourir dans la mer. Donc, l'espoir d'y arriver, c'est ça qui va les pousser à continuer, même s'il y a la peur de mourir. Donc, à ce moment-là, l'espoir va prendre le dessus sur la peur de la mort. Et donc c'est ça la vie de l'homme tous les temps. Et même quand l'homme a peur, c'est qu'il veut garder quelque chose. Et justement, il a peur parce que cette chose-là va lui ôter ce qu'il a et ce qu'il veut, il a l'espoir de garder. Et c'est ça le sens même de la peur. Le sens de la vie. Hein? En fait, pour moi, c'est angoissant cette vie à cause de ça. La peur pour moi, c'est... Mais non, c'est pas vrai. En fait, c'est justement ça qui fait la beauté même de la vie. Non, mais sincèrement. Regardez, on est en train de parler de ces choses-là. Vous êtes tous calmes, tétanisés. On dirait que vous êtes tétanisés. Pourquoi? Parce que vous voyez quelque chose de mauvais. S'il n'y a pas ce sentiment-là, il n'y aura jamais l'inverse. Le bien, le bonheur est dans la contradiction des choses. Hein? C'est ça. S'il n'y a pas l'amertume, la douceur n'a pas de sens, ne peut même pas exister. Donc s'il n'y a pas la mort, la vie n'a pas de sens, elle ne peut même pas exister. On n'aura pas un mot qui exprime la mort s'il n'y avait pas la vie. Et le vice-versa. Donc c'est parce qu'il y a la peur que justement l'espoir a de sens. Est-ce que vous avez compris? Vous aimez quelqu'un, vous voulez le garder parce que vous avez peur de le perdre. Donc c'est ça le sens de l'amour. Donc l'amour c'est quelque chose de fabuleux. On est d'accord. Donc s'il n'y a pas la peur de perdre la personne, il n'y aura pas l'espoir de le garder et donc l'amour n'aura pas de sens. Donc en fait, il faut pas avoir des regards subjectifs. Il faut toujours avoir le regard, bon, j'ai oublié le mot. Il faut pas regarder les choses comme c'est des dangers. Il faut voir à travers la chose que tu penses être danger, c'est aussi du bien. Donc, tant que tu vois les choses dans le monde de cette manière, il faut avoir un regard positif dans toute chose. Et ça te permet vraiment de bien vivre. Mais si ton regard est négatif, tu es toujours triste. Donc tu as un regard. Ton regard est négatif. Voilà. Non, mais ça, depuis, je suis même. Voilà, donc on peut la changer là. Donc, C'est un défi. Non, c'est pas un défi. Il n'y a pas de défi dans la vie. Il faut tout simplement savoir comment les choses fonctionnent. Dans le document, voici ton document sur lequel tu m'as harcelé, mais c'est pas le même que tu dis qu'il y a correction. Dans mes bagages, je suis en train de chercher mes affaires. J'ai tombé sur ça. Je suis tombé sur ça. Donc tiens, comme ça tu me laisses tranquille. Répondez-moi à ces questions, s'il vous plaît. Suis-je dessus? Oui, c'est ancien. En fait, c'est les questions qu'on se pose dans notre vie. Et les questions qu'on cherche la réponse là-dessus. Et qui suis-je? Qui sommes-nous? D'où sommes-nous? D'où sommes-nous venus? Ou comme ça on dit en français? Si on est là, il y a toujours, dans le temps et l'espace, il y a toujours trois dimensions. Dans le temps et l'espace. Ici, avant et après. C'est la même chose. Maintenant, avant, après. Ici, avant, après. Donc, avant, on était où? Avant de venir ici. Et après, où est-ce qu'on va aller? Vous avez compris? Où suis-je, c'est ça? Quand et comment tu oublies quand et comment? Où est-ce que... Ah, c'est ici, quand et comment? Ah, ben voilà. Donc, quand et comment, quand on est venu? Si vous arrivez à répondre à ces questions-là, et c'est tout simplement ça, les questions que l'islam, la religion, nous permet de répondre. C'est ça, toutes les questions de la religion reviennent à ça. Voilà. C'est des réponses que nous ne savons pas, vous l'avez dit tout de suite. On ne sait pas. Eh bien, la religion, lui, il va venir répondre à ces questions-là. De quelle manière? Ben, des manières que nous avons entendues. Dans le Coran, les révélations. Les messagers que Dieu a envoyés. Parce que l'homme est incapable seul de répondre à ces questions. Dieu envoie des messagers pour pouvoir lui donner la réponse. L'homme ne connaît que là, ici, maintenant, et ici. Est-ce que vous avez compris? L'homme ne connaît que maintenant et ici. Mais ce qui est avant maintenant et ce qui est après maintenant, l'homme ne le sait pas. Donc la religion nous répond ce qui est avant maintenant et ce qui est après maintenant. Parce que déjà maintenant, nous le connaissons. Nous n'avons pas besoin qu'on nous l'a dit. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Bon. Je me suis rappelé de ça parce que je l'ai trouvé dans mon sac. qu'est-ce qu'on disait? Je disais qu'il faut avoir vraiment dans la vie un regard positif à la vie pour qu'on puisse vivre. Mais quand nous avons le regard négatif, tout va être négatif. Donc ce que je voulais dire, le document qu'on a fait, ça fait longtemps, on en a parlé de ça, que chaque chose qui existe, existe dans deux dimensions. La dimension intérieure et la dimension extérieure. La forme et le fond. Donc toute chose qui existe, c'est comme ça. Et ce que je viens de dire tout de suite, elle émane de là. Soit, donc, pour pouvoir changer, il faut changer sa perception de la chose. De n'importe quelle chose que ce soit-il. Par exemple, on a parlé de la vision négative. Donc, c'est une perception. N'est-ce pas? C'est une perception. Si nous voyons à la peur, vous savez, il y avait un écrivain qui a écrit, je vous l'avais dit, c'est qui? c'est éloge de la peur. De la fuite. Éloge de la fuite plutôt, j'ai dit la peur. Éloge de la fuite. Ari Elabori. Expliquer que l'homme est en constante fuite de sa vie, dans sa vie. Et l'homme ne fait face que quand il n'a pas le choix, quand il a le dos sous le mur. À ce moment-là, il va faire face. Et ça, c'est une réalité. Donc, il faut aussi parler de l'éloge de la peur. La peur n'est pas quelque chose de mauvais. On a fait la khutbah avant-hier sur ça. La peur, en fait, il y a deux formes de peur. Il faut faire la différence entre ces deux formes de peur. La peur qu'on peut appeler la peur instantanée et la peur, donc instantanée, c'est la peur immédiate, et la peur continuelle, constante. La peur instantanée et la peur constante. Ce qui est mauvais, c'est la peur constante. Mais la peur instantanée est bien. La peur instantanée, c'est une peur qui nous permet, c'est une alarme physique et biologique qui nous permet d'être prévoyant, de se protéger, de se défendre. Donc c'est là que notre esprit se met en fonction et en réaction pour pouvoir prévoir. Est-ce que vous avez compris? On voit un lion, on prévoit la défense ou la fuite, ainsi de suite, pour justement protéger la vie. Est-ce que vous avez compris? Donc cette peur n'est pas mauvaise. La peur qui est mauvaise, c'est la peur qui est constante. Et cette peur constante, elle n'est pas vraie, c'est faux. Ce n'est qu'une fausse perception, c'est une perception que nous avons qui, en réalité, quand on regarde, elle n'est pas basée réellement sur une réalité. C'est des fois la peur que nous pouvons avoir de quelqu'un. La peur que nous pouvons avoir de quelqu'un. Ou de quelque chose ou d'un événement. On a peur de mourir. On a peur de mourir. On a peur de la pauvreté. On a peur d'être licencié de notre travail. Vous avez compris? Cette peur, en réalité, elle est fausse. Elle n'existe pas. C'est une imagination que nous avons rétablie. Elle n'existe pas. Puisque je ne suis pas licencié, donc, pourquoi je vais avoir peur du licenciement? Après, s'il y a des signes précurseurs au travail, ça se passe. Et non, justement, des fois, quand on a peur, on va manifester la peur et ça conduit au licenciement. Une femme qui se fait battre par son mari, hein? Depuis des années, elle a peur constamment et elle sait que ça va se reproduire. J'ai pas compris. La peur qui se fait battre par son mari. Je n'ai pas entendu. La femme qui se fait battre par son mari, c'est une peur. Qui fait quoi? Qui se fait battre, oui, par son mari, c'est une peur constante tous les jours. Ben, justement. Elle sait que ça va se reproduire, ça ne se passe sur rien. Et non, comment elle sait qu'elle ne l'a pas vu? C'est pas vrai. Pourquoi elle le sait? Ça va se faire frapper? Oui. Parce que ça fait des années que ça fonctionne. Et oui, mais justement, il se peut que sa réaction, c'est ça qui pousse le mari à le taper. Mais s'il est violent de sa nature. Mais par exemple, un homme qui. Mais pourquoi vous allez dire qu'il est violent de sa nature? Pourquoi tu ne vas pas dire que la réaction de l'homme aussi vient de toi? Souvent, les causes de la violence, c'est l'alcoolisme. Ça, c'est le fait qu'un homme est toujours accusé. Donc, elle sait que quand tu es. Comment elle le sait? Il n'a pas tapé d'abord. Comment elle le sait? Parce que chaque fois qu'il boit, c'est des expériences. Ah ben oui, il se peut qu'un jour, il va boire, il ne va pas la taper. Oui, mais donc, du coup, c'est une peur constante qui revient. Et non, du tout. Elle a l'habitude pendant des années. Elle sait qu'il va revenir ivre à la maison. Ce n'est pas. En fait, il faut pas penser que ça vient de l'homme obligatoirement. Ça peut venir aussi de la femme. Non, mais là, je parle dans le cas de l'alcoolisme. Même dans le cas de l'alcoolisme. Ce n'est pas tous les hommes, quand ils sont ils ont bu, qu'ils ont tapé. Oui, mais dans pourquoi celui-là tape? Donc, il y a des circonstances. Mais si c'est ça qui est. On l'a étudié, sincèrement, je vous l'ai dit, à l'époque infirmière, dans les problèmes alcooliques, dans les hommes qui battent, il y a des problèmes alcooliques à. Je suis d'accord, je ne refuse pas. J'ai vu que cette personne qui est alcoolique dans la rue ne tape pas tout le monde. Non, chez lui avec sa femme. Mais justement, pourquoi spécifiquement sa femme? Donc, le problème n'est pas l'alcool d'abord. Il y a un autre problème que l'alcool n'a fait qu'un effet qui a suscité. Mais il tape les enfants aussi. Les oui, enfants, mais je suis d'accord. Mais pourquoi il n'a pas tapé les hommes dehors? Parce qu'il ne sait pas si c'est bon à se défendre. Hein? Sa femme, il sait qu'elle c'est ça. Voilà. Donc, il y a cela. Mais s'il y a cela, mais il y a une réaction au fond de la femme aussi qui suscite. Mais ça n'empêche pas d'avoir cette peur constante. Oui, mais non. Mais non. Ça ne se base sur rien. Mais non, mais non. Mais non. Ça ne se base pas sur rien. Ça veut dire qu'on a une part aussi dans l'histoire. Si cet homme-là ne tape personne dehors, quand il vient, il s'acharne sur sa femme, c'est qu'il y a quelque chose. C'est plus facile pour lui de battre sa femme. Hein? Ce n'est pas seulement que c'est facile. Vous allez voir que des fois, je ne suis pas en train de. Sincèrement, écoutez-moi. Je ne suis pas dans le cas. Je ne suis pas en train de défendre. Je voudrais que vous compreniez seulement. Exactement. Je crois qu'on a tous un exemple. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Vous venez de dire tout de suite que les hommes qui battaient leurs femmes, généralement, ce n'est pas des hommes violents dehors. Mais pourquoi violent, il n'est pas violent dehors, mais il est violent à l'intérieur de la maison? Parce qu'il sent la faiblesse de la femme. Ça veut dire que dès qu'il voit sa femme, il sait qu'il peut la taper comme il veut et rien ne va se passer. C'est pas normal. Et je ne dis pas que c'est normal. Mais heureusement, c'est pas normal. Mais parfois aussi, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'à l'extérieur ça se sache. À la maison, personne ne le voit. Et à l'extérieur, les gens le savent. Oui, je suis parfaitement d'accord. Justement, les personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont très gentilles dehors, mais très méchantes à l'intérieur. Mais cette méchanceté qu'il est à l'égard de sa femme, si c'était son frère, l'homme masculin, il ne peut pas le taper. Parce qu'il a trouvé de faiblesse à l'égard auprès de la femme. Même si la femme se défend, elle est moins forte que l'homme. Il y a des femmes qui sont capables de prendre un homme et de le terrasser à terre. Si ces personnes, ils ont des femmes comme ça, ils ne vont pas le faire. Une femme et un homme se battent, un homme, il a 80% de chance de prendre le dessus. Mais crois-moi. Oui, mais c'est rare, c'est très très rare. Oui, mais. Crois-moi, il y a des hommes et des femmes qui ont la capacité de battre leur mari. Non, c'est tout simplement parce que la femme. C'est tout simplement parce que l'homme trouve chez la femme une passivité. Donc, il peut la taper. En fait, à l'intérieur de lui, déjà, il y a la violence. Exercer cette violence, c'est d'exercer la domination. Donc cette domination, il la prouve, il a besoin de la domination. C'est certain homme qui a besoin de dominer. Parce qu'il est dominé dehors. Il ne peut pas prouver sa domination dehors. C'est un homme qui ne peut pas prouver sa domination dehors. Au fond de l'homme, je vous ai dit la fois passée quoi? Que les hommes cherchent trois choses. Vous vous rappelez? Oui. Le pouvoir. La femme. La femme. L'argent. Et l'argent. En fait, la femme et l'argent reviennent au pouvoir. En fait, les hommes, c'est le pouvoir, la domination qu'ils veulent. La domination. Donc, c'est pour cela, vous voyez que... Il faut dire qu'il y a des hommes qui sont juges, policiers, hommes d'argent, et pourquoi ils tapent leur femme? Mais non. Oui, mais attendez, vous ne savez pas ce qui était à son intérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent. Ils ont des pouvoirs. Attendez, je finis. J'ai fini d'abord. La femme. La base, c'était la domination. Les hommes veulent la domination. C'est pour ça que quand ils se rencontrent, ils se battent. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi ça? Là, il va te dire pour qu'il y a des. C'est pas ça? C'est un gâteau au chocolat. C'est ça que je veux. Moi, je te fais ça. Non, son truc. Non. Il n'y en a plus. Allez, partage en deux. Ah, bon, ça y est, elle a mangé la moitié. Non, partage en deux. Je viens de manger plein. Non. En fait, Ahmed, il ne peut pas lui demander. Lui, c'est un peu dans la sienne. Parce qu'elle n'a pas. Je suis. Injustice. Non, pas le sens. Dans les blessures. Ah, c'est pour la justice, le besoin de la. Voilà. La blessure de la justice. Voilà, donc je suis. Je suis injustice. Donc je ne veux pas la justice, l'injustice. Voilà. Vous êtes juste. Ça veut dire que j'ai la blessure de l'injustice. Alors, les femmes qui. Bon, revenons. Franchement, il ne faut pas qu'on sorte dans un sujet pour entrer dans un autre. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Non, parce qu'on a tous des exemples et. Trois choses. La femme qui veut quitter son mari, justement qui veut se révolter face à son injustice et qui se fait tuer. Ça veut dire quoi? Veut le quitter. Elle se fait tuer parce que. Ça veut dire que tout simplement. Elle a essayé de se libérer. De mais non, moi, ça c'est quelque des chose à vous dire en fait. Parce que vous dites que l'homme aime la domination. Ah, tu parles à moi? Oui, je parle. Oui, je t'écoute. J'ai entendu le mot vous, vous au pluriel. Vous, Vous avez dit qu'en fait, l'homme, il sent chez la femme qu'il y a une possibilité. Je n'ai pas dit la femme, cette femme spécifiquement. La femme, sujet. Sujette ou sujet. On parle sur une femme, quelqu'un qui se fait battre. Mais vous dites qu'en fait, l'homme aime la domination. Oui, mais je suis en train d'expliquer, je n'ai pas fini justement. Peut-être si j'ai fini l'explication, tu vas comprendre. Je dis ce que on avait expliqué. Quelle est la différence entre l'homme et la femme dans l'amour? L'intérêt. On a dit l'intérêt, voilà. On a dit l'intérêt de l'homme, c'est la femme elle-même. La femme elle-même. Alors que la femme, elle veut la protection. La femme veut la sécurité. Donc, il y a trois choses, je vous ai dit. Le pouvoir, les femmes et l'argent. Mais en réalité, l'argent et les femmes, l'homme le gagne dans le il gagne le pouvoir dans les femmes et l'argent. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'il a plusieurs femmes, il a son pouvoir, il a du pouvoir. Et aussi quand il a de l'argent, il s'assure d'avoir les femmes et aussi avoir le pouvoir, avoir la domination sur les autres. Vous voyez? C'est-à-dire les hommes veulent dominer les autres. C'est pour ça que la rivalité ne se passe pas entre les femmes et les hommes. Elle se passe entre l'homme et l'homme. Moi, et les femmes et les femmes. Il y a une chose qui une question qui peut induire. Donc, je n'ai pas fini. Si, il y avait pas, dans le cas où, avant, il n'y avait pas la notion d'argent. Mais qui t'a dit qu'il n'y a pas? Il n'y avait pas de travail. Mais qui t'a dit? L'argent, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? C'est toi, tu parles de la monnaie. C'est la monnaie qui n'existait pas. Mais l'argent existe. Donc, fais la différence entre monnaie et argent. Mais il n'y a pas que les hommes en fait qui se sentent forts quand ils ont de l'argent. Quoi? S'il te plaît, je peux vous non. S'il te plaît. Non. Je t'ai ramené celui-là. Là. Prends un peu. Donc regarde. Ça m'a donné le pouvoir. Maintenant, chaque homme cherche le pouvoir d'une manière. C'est pour ça que vous trouvez les hommes dans la politique plus que les femmes. Parce qu'on leur a laissé faire ta société. Oh, non, c'est pas ça. Ce n'est pas vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. D'accord, c'est pas l'intérêt général qui prime. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour cela, justement, non, mais on n'est pas dans une dispute en femme. Hein. Allez, on est d'accord. Une dispute sexiste. Regardez très bien. Vous allez voir que on disait que les femmes. Si tu leur donnes de l'argent, il vaut mieux que les femmes dirigent là où il y a l'argent que c'est les hommes. Elles sont moins corruptibles que les hommes. Pas forcément. Je dis elles sont moins, ça c'est connu généralement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui sont corrompues, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes corrompues, il y en a. Mais généralement. Donc, tout simplement, cet homme-là, donc chaque homme va exercer et il va trouver un moyen de faire sa domination. Maintenant, certaines vont le faire par leur capacité physique. Dans la guerre, il va être plus brave que les autres. Vous avez vu le film... Non. Attendez. Le film Nomade. Non. Vous ne l'avez pas vu? C'est très important de voir ce film-là, vous allez voir. Nomade. C'est Nomade. Ah, Nomade. Ouais, mais avec un D à la fin sans E. Nomade, c'est comme ça qu'on écrit nomade sans non, E. Non, avec E. Bah, dans le film, c'est sans E. Ah. Je ne sais pas dans quelle langue. Sans anglais, non? Hein? Sans anglais. Bon, peut-être. Dans tous les cas, si vous avez vu ça, ce film-là, j'aurais pour vous dire qu'est-ce qui justifie également ça. Donc, la guerre, il va prouver sa domination sur les autres pour pouvoir avoir le pouvoir, les femmes, ainsi de suite. Il va utiliser par exemple dans le commerce l'argent pour pouvoir avoir les femmes et le pouvoir. Ça dépend des circonstances qu'il va utiliser. Et on va voir de côté toujours, les femmes vont aimer l'homme le plus brave, dans la guerre, même si elle, il est manche dans son physique. L'homme, le héros, est aimé par les femmes. Regardez nos stars. La majorité des fans sont filles. Quand le star, il passe, vous allez voir ces filles qui sont en train de crier. Vous n'allez jamais voir des garçons qui vont... Ils vont aller voir, bien sûr. Mais pas comme les filles. Comme si elles sont possédées. Les filles, comme si elles sont possédées du star. Moi aussi, je suis possédée aussi. Donc, non mais attends. Pourquoi tout ça? Je ne sais pas. Parce que... C'est la compétition pour nous. D'abord, ces hommes-là, c'est dans leur métier. Quand ils dominent les autres, ils vont avoir... Les femmes. Ça, vous avez compris. Maintenant, cet homme à la maison qui bat sa femme, c'est tout simplement qu'il n'a pas la capacité d'exercer son pouvoir dehors, mais pour prouver ce pouvoir qui est naturel au fond de lui, il faut qu'il l'approuve en battant sa femme. Mais donc, il se sent fier de lui quand il fait ça? Mais en tout cas, il trouve une seule une forme de équilibre, de besoin, un soulagement. Il trouve une forme de soulagement de prouver à lui inconsciemment qu'il exerce quand même le pouvoir sur quelqu'un. Mais je ne parle pas de normaux, pas normaux, mais c'est ça un peu la psychologie de cette personne. Je vais dire que je suis très dans l'esprit de contradiction aujourd'hui. Ah, très bien, merci. Par rapport aux statistiques, je suis contradictoire, c'est utile. Non, vous allez dire que je suis en contradiction. Ah, ok. Mais non, pas du tout. Dans les statistiques, ils montraient que beaucoup d'hommes aussi qui battent leurs femmes ont un statut dans leur vie privée de pouvoir, des avocats, des médecins, etc. Et que s'ils le font, c'est pas forcément parce qu'ils n'arrivent pas à se faire un pouvoir à l'extérieur, mais c'est parce qu'ils transmettent quelque chose qu'ils ont vécu. Oui. Mais c'est pas forcément parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la domination à l'extérieur, parce qu'il y a des médecins, des avocats, des gens qui ont du pouvoir, des hommes politiques qui frappent leurs femmes. Bien sûr, bah, y a déjà l'année passée, il y a une affaire là avec un là qui avait giflé sa femme, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il fait partie de la commission contre la burqa. D'ailleurs, ils l'ont reproché, toi qui luttes pour la liberté de la femme de côté, il a giflé, t'as pas sa femme. Les règles liées à la personnalité humaine, on ne peut pas avoir des règles à 100%. Même dans les études, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on va faire des sondages, on va voir certaines personnes qui vont sortir de la règle. Parce que tout simplement, il y a des paramètres qui rentrent dedans qu'on n'a pas pu cerner. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ça. Mais on parle dans le cadre général. Est-ce que vous avez compris? En tout cas, si vous regardez cette personne, bon, il se peut que... En tout cas, il y a une soif de domination quelque part. Et la raison, maintenant, c'est ça que tu es en train de citer. La raison peut être... Enfin, parce qu'on parle de ce qui est normal et naturel. Et ce qui va se greffer, qui va rentrer dans l'excès... Ce qui est pathologique. Qui a été pathologique, qui a été motivé par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ces personnes vont être plus remarquables que les autres dans cette situation, dans le fait de chercher une domination. Est-ce que vous avez compris? Naturellement, l'homme a cette domination. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle... L'orgueil masculin. C'est que les hommes ont beaucoup de mal. Bon, ça c'est lié aussi aux cultures et aux traditions. L'homme va avoir beaucoup de mal à accepter les conseils de sa femme, par exemple, de se faire guider par sa femme. Est-ce que vous avez compris? Si vous apprenez que vous allez à la maison, que vous voulez enseigner votre femme, il y en a des hommes qui... Ils vont un peu mettre de la boue dans ce que vous dites. Vous avez compris. D'un côté, vous n'aimez pas en fait les femmes passives. Hein? D'un côté, vous n'aimez pas la passivité. C'est vrai, les hommes ne veulent pas. Mais donc, on ne sait pas quoi faire. On doit être passif, on doit faire. Mais soit passif, c'est mieux, comme ça. Tu vas voir un homme rigide. Et je crois qu'on est sorti dans nos sujets. Non, la réponse, je n'ai pas eu. Ben, comme vous avez dit, c'est stratégique. Un peu la passivité, un peu la. Bon, mais après, je ne sais pas si je prends un coup de. Pour s'adapter. Voilà, s'adapter. Pour s'adapter. Tu t'adaptes à ton temps. Tout simplement. Pourquoi les hommes adaptent à lui, il ne s'adapte pas à moi? Lui aussi, il s'adapte à toi. Lui aussi, il s'adapte à toi. Parce que s'il voit que ce qu'il veut de toi, il ne le trouve que. Il va faire autrement. Donc, il faut tout simplement comprendre et savoir comment agir. Il n'y a pas une règle absolue. On dit que les femmes, elles sont compliquées, mais vous êtes compliquées encore. Non, ils ne sont pas compliqués. Il y a l'orgueil. Il faut... Vous n'avez pas. C'est Moi, je pense que pour vivre une meilleure vie de couple. Attends, je vais. Écoutez. S'il vous plaît. Pour vivre une meilleure vie de couple, il faut tout simplement se comprendre. Mais c'est ça le problème. De savoir chacun sait ce que l'autre veut. Mais c'est très difficile. Mais c'est difficile. Mais c'est un travail qui doit se faire dans les deux côtés. Ben, attendez, il y avait un truc, l'homme, je ne sais pas quoi là. C'est pour cela que la famille parfaite est très difficile. Des fois, l'homme, il se met dans l'ombre. Oui, du cas, voilà, c'est un apprentissage. On apprend. Soit de nature, on convient, ou on se comprend. En dehors de ces deux choses-là, ça casse. Ou alors on est mieux seul comme ça. C'est ça que j'allais dire. En fait, j'ai l'impression que l'homme et la femme, ils ne sont pas faits pour les hommes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, la femme ne peut pas vivre sans l'homme, l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Tout simplement. C'est comme les chiens et les chats. Ils ne s'aiment pas, ils sont obligés de vivre ensemble. Eh bien, c'est ça. Mais croyez-moi, on est dans le cataclysme, tout simplement. C'est pas vrai tout ça. L'homme et la femme s'aiment. L'homme et la femme s'aiment. Il n'est pas comme le chat et le chien. Non, mais sincèrement. Mais dans certaines circonstances, ça se passe mal. Et d'autres, ça se passe très bien. Et on a parlé de bien, mauvais. Dans le contraire, s'il n'y a pas des couples qui se disputent, et les couples qui s'entendent n'ont pas de sens. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça la vie. Quand vous dites qu'il ne faut pas être passif, quand on essaie de remettre les pendules à l'heure, on dit oui, enfin la personne dit oui, et le lendemain, le discours... Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça, en fait. Il ne faut pas être réactif, ou tive, d'agir en fonction de ce que... Non, mais quand il y a un ras-le-bol d'une situation, quand on exprime son ras-le-bol, et la personne a dit oui, je vais faire des efforts... Il faut Ah oui, tu parles de l'homme. Maintenant, toi, tu es en train de faire un combat contre les hommes, quoi. je pense que c'est une question. Mais non, mais c'est pas ça en fait. Il faut franchement, cette histoire, elle a besoin d'une stratégie. C'est tout simplement l'intelligence, à savoir comment agir quand il faut agir. C'est tout simplement ça. Et c'est ça qui est très difficile. La réaction en soi n'est pas l'action en soi n'est pas ce qui est sollicité. Mais ce qui est sollicité, c'est de savoir comment agir. Mais quand on sait ça, quand c'est un coup oui, un coup non, un coup oui... Mais c'est ça, c'est ça le problème. Parce que des fois, on va utiliser la violence, on va penser que c'est ça qui va résoudre, c'est pas ça. Et des fois, on va utiliser la pacificité, c'est pas ça. Donc, comment peut-on savoir que dans cette circonstance, il faut que j'agis violemment? Et que dans cette circonstance, j'agis passivement? La part entre ces deux... C'est tout ça l'intelligence humaine et c'est ça la plus difficile. Quand on arrive à voir à travers ces deux-là, on peut agir convenablement. Des fois, on peut rire en faisant très mal à une personne. Des fois, on peut se mettre en colère sans lui faire mal. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, mais comment le faire? Et c'est ça le problème. Des fois, on peut être silencieux, on peut lui faire mal. Oui. Bien sûr. Des fois, on peut agir, on parle, ça ne va rien résoudre, alors que quand on se tait, tout va se résoudre. Oui, mais non. Quand on se tait, l'homme n'aime pas quand on se tait. Moi, je sais que quand je suis silencieuse, mon mari, alors là, il n'aime pas. Oui. Mais ça suscite la réflexion. Ça dépend aussi, du comportement de l'individu avec qui tu es. Ce n'est pas une règle générale chez tous les hommes. Certains, peut-être, ils veulent que la femme ne parle pas quand il parle. En fait, il faut mesurer les choses. Je pense que il faut pas. Allahu Alam, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que même s'il faut réagir, des fois il faut faire attention à affronter l'homme face à face. Front à front. Je pense que ça peut être grave dans beaucoup de cas. Parce qu'il ne veut pas un rival, justement. Je dis, c'est quelqu'un qui veut dominer. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Et celui qui veut dominer, ben, laisse-moi finir. Quand tu te marieras, tu comprendras comment tu vas faire. Que si tu... Il faut éviter les catastrophes. Le jour que tu vas avoir une claque, le lendemain, tu seras les mots que tu vas utiliser. Oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. T'as compris? C'est pas la première fois. Très bien. Que bon, bref, je dis, je pense que, c'est Allah, mais je pense que les hommes ne veulent pas qu'on le fait fond. Ils veulent pas ça. C'est une rivalité. Et ça, ça veut dire que tu compromets sa domination. Et là, il peut agir très, très... Mais vous avez dit, les hommes, ils n'aiment pas être pacifiques. Oui. Oui. C'est ce que j'ai dit. Être pacifique n'est pas d'être... comment disons, fond. Mais non, c'est pas la rivalité. Ouais, là, tu es rival. Il n'aime pas non plus la rivalité. Exactement. Oui. En fait, tu le laisses pas qui domine. En fait, c'est ça qui tire les rênes. Comment le faire? Exactement. Justement, c'est pour ça qu'on qualifie toujours la femme d'utiliser son intelligence. Et c'est une particularité de la femme, ça. Voilà, justement, on dit que la femme utilise son intelligence plus que l'homme utilise son intelligence. Ça, c'est vrai. Regardez quelque chose qui est connu. Dans le volant, sur le volant, les femmes, quand ils sont devant un homme, généralement, on crie sur elles. Alors que les hommes, ils viennent, ils passent, ils s'en vont, avec tous les dangers. Mais ça, c'est dans la subconscience, c'est naturel chez la femme. Parce que la femme, avant de passer, elle va regarder là, elle va regarder là, elle va regarder là, elle va regarder derrière. Après, elle va avancer. Il faut qu'elle voit que les voitures sont noires. Il faut que les voitures sont noires pour qu'elle passe. C'est pour ça qu'elles font beaucoup d'accidents. Non, pas moins d'accidents. Attends. Mais si vous me laissez parler, on ne va pas se diverger. Elles font, dans le nombre, plusieurs accidents, mais moins graves. Mais les hommes font moins d'accidents graves, mais graves. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Justement, qu'est-ce qui fait que... Parce que la femme hésite. C'est cette hésitation-là, elle va se... Comme elle ne va pas... Par force, elle peut taper quelqu'un ou quelqu'un ne tape pas derrière. Cette hésitation, on ne l'aime pas, parce que moi, je sais que je suis... Non. Cette hésitation en soi n'est pas mauvaise. Parce que la femme, elle ne réfléchit pas que pour elle seule. Elle pense à ses arrières. À que l'homme, lui, c'est un félin, il regarde devant. Il ne regarde que devant. Non, mais devant, la dernière fois, vous avez dit... Grâce. Les femmes vous avez dit que les femmes sont égoïstes. Bon, c'est peut-être dans une circonstance, je l'ai cité peut-être. Oui, une circonstance. Ah, ça dépend de la circonstance. On a parlé de la polygamie ou c'est quoi? Je ne sais plus. Bon, j'ai oublié c'est quelle circonstance. Bon, bref. Ça, c'est quelque chose de réel chez les femmes et les hommes. Donc, il y a une différence liée à chacun de sa vie qu'elle doit mener. Mais sa contribution qu'elle doit mener pour l'évolution de la société. C'est une contribution. L'homme amène sa contribution, la femme amène sa contribution. Et les deux, parce que dans certaines circonstances, les deux sont les mêmes, mais ce n'est même pas bon pour la vie. Il faut que chacun ait une particularité différente, des fois opposée. Et quand vous êtes l'homme, il n'y avait aucune contribution dans la famille, à part un peu d'argent. Est-ce que... Enfin, on peut dire qu'il ne sert à rien. Non, mais ça, mais naturellement, l'homme et la femme ont tous leur contribution. Mais nous, on ne continue pas. Non, mais on ne va pas rentrer ce débat de dispute. Si Dieu a créé l'homme et la femme, deux êtres distincts, différents, c'est que chacun a des tâches à remplir conformément à ce qu'il est. Il y en a qui ne le font pas. C'est autre chose. Il y en a qui le font pas, il y en a qui le font. Oui, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas l'homme en soi. C'est ce que je dis. Ce n'est pas l'homme en soi, c'est l'individu. Oui, c'est ce que je dis. Vous faites la différence entre l'homme. Vous faites la différence entre l'homme ou la femme en soi et l'individu. Voilà. Ça, il faut faire la différence. Bon, bref. C'est quoi les questions que... Assurance habitation. Oh, astuce, c'est simple. Vous avez dit que c'est difficile et que vient au cours. Et que c'est ça, c'est pas difficile. Je n'ai pas voulu vous le dire sur le téléphone. C'est très simple. Non, moi, ouais, mais c'est. Attends, non, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi, sincèrement. Je vais le dire pour que je me reste tranquille. Ouais. Écoute, c'est très simple. Si on m'oblige pas de payer les assurances, je ne paye pas. Mais on m'oblige. Attends, j'ai fini. Oh là là. Si on ne m'oblige pas de payer, quand on commence par une introduction, après on va venir au développement, après la conclusion. Je commence l'introduction, je n'ai même pas rentré dans le développement, on pose des questions. Si on ne m'oblige pas, je ne paye pas d'assurance. Maintenant, je paye d'assurance parce que je suis obligé. eh bien, je vais chercher le moins cher possible. Moi, je ne vois pas juste, je vois très injuste que chaque année, je vais payer 300 euros pour des assurances et que finalement, pour des choses que je ne consomme même pas. Et le jour que je vais avoir des problèmes, il me crée problème, il va toujours avoir des franchises. Donc, vous avez compris. Une année, j'ai refusé de payer l'assurance de ma maison. Ils m'ont envoyé plusieurs trucs. Après, ils ont pris une assurance d'office qui est de 60 euros environ. Qui a pris? L'habitant. Ah oui. Qui est de 60 euros. Ah, c'est bon. S'ils me laissent tranquille avec ça, c'est bien. Je n'ai pas de l'or à la maison. Si un voleur rentre, j'ai mes livres. Je crois qu'il ne fait rien avec. Ça ne sert à rien. Mais ils emportent des choses peut-être. Hein? C'est lui qui va rentrer. Voilà. Donc, je ne veux pas mettre les options. En fait, quand vous allez dans l'assurance, il y a toujours des options de plus qu'on vous demande de mettre, qui ne sont pas obligatoires. Mais eux, ils exigent. D'ailleurs, ils vont même mettre une condition que si vous ne prenez pas ces options-là, donc ils ne vous feront pas l'assurance. C'est de l'arnaque. Donc, depuis que 13 habitats, ils me suscrit une assurance d'office et que cette assurance me coûte 60 euros, j'ai dit, mais c'est fini. Je ne paye plus d'assurance. Et c'est quoi ce... Et c'est comme ça que moi j'ai fait. C'est quoi Paris? Toutes les bâtiments, les appartements, les trucs, toutes les compagnies, comment on dit? Les bailleurs le font. Tous. Parce qu'on peut nous demander d'apporter l'attestation d'assurance. Oui. Quand tu ne le fais pas, ils vont t'envoyer des lettres. Parce qu'ils vont dire, c'est pas le bail s'il n'y a pas ce... Oui. Ah non, mais ça c'est au début peut-être. Au début on prend. Au début, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Parce que sinon, on ne te donne pas l'appartement. Et après, toutes les années, ils nous demandent de justifier. À chaque année, il faut demander une attestation d'assurance. Mais à chaque fois, ils demandent d'amener le justificatif chaque année, alors, le bailleur. Hein? Le bailleur exige chaque année. Il t'exige chaque année. D'accord. Mais quand tu ne payes pas, quand tu ne prends pas d'assurance, ils vont t'envoyer une lettre, deux lettres. Après, ils te donnent une assurance d'office eux-mêmes pour protéger leur mur. C'est toi qui le payes. HMP, c'est pareil, c'est la même chose. HMP, c'est peut-être par mois. Il y a des amiantes dans les bâtiments de HMP, il y a des amiantes, non? Mais il y a de l'amiante. L'amiante, ce n'est pas quelque chose de catastrophique. C'est seulement on a fait peur aux gens. C'est en touche. Les Gériflex et tous les trucs qu'on a collés, c'est de l'amiante. Et combien d'années les gens sont dedans? Qui est mort? Bon, il y a les personnes qui travaillent dans l'amiante avant, eux, ça les a infectés, mais pas les gens qui habitent dedans. Ça, c'est seulement de la psychose que les gens se sont fait. Chez toi, tu as le carrelage ou bien tu as le Gériflex, l'amiante, il est en bas, il est dans la colle. Il n'y a rien, ça ne te fait rien. Mais quand on a commencé à parler de l'amiante, tout le monde a eu peur. Et ça y est, ça a fait la psychose. Mais pourquoi ils ont détruit les anciens bâtiments? Parce qu'ils veulent les détruire pour reconstruire d'autres, dans d'autres normes de construction. Ils ont désamianté et tout. Ah mais c'est ça. Oui, je sais. Quand ils veulent faire des travaux, c'est voilà. Dangereux. Parce que les traits vont la chine. C'est ça le danger. Mais si on ne touche pas... La majorité des appartements dans lesquels il y a... qui sont en train de désamianter... Quand ils font le diagnostic, quand ils font le diagnostic de voir s'il y a l'amiante, il y en a plusieurs que c'est pas positif. Il y en a plusieurs qui sont négatifs. Il n'y a pas d'amiante dedans. Ah. Et dans la presse aussi, il y a l'amiante. Non, mais les appartements, tous les appartements construits dans les années 70, ah, c'est il y a des appartements dedans. Ah, oui. En fait, ce sont des choses qui existaient, c'est des produits que les gens utilisaient, qui étaient tout à fait normales, comme le plomb, auparavant. Ah, mais le plomb, c'est à cause du saturnisme, ils sont plus. Hein? Le plomb, c'est à cause du saturnisme. C'est à cause de quoi? Le plomb, c'est dangereux pour la santé. Oui, mais le plomb, on l'utilisait auparavant comme on utilise les plastiques aujourd'hui. Ils sont aussi dangereux pour la santé. Demain, un autre produit viendra. D'accord. On va interdire le plastique. C'est comme ça. D'accord. À chaque génération, il y a des trucs qui viendront. Je sais pas. Mais du coup, on peut donc, c'est bon. Attaquer en justice parce qu'il a l'amiante quand même. Attaquer qui en justice? À chaque fois, croyez-moi. Ne vous cassez pas la tête dans cette histoire de justice, hein, parce que ce sont des choses qui vont aboutir après des dizaines d'années. Vous avez compris. On va vous traîner en justice. C'est la fin. C'est des normes qui existaient. Les normes anciennes si le norme a changé, le bailleur, lui, il ne compte pas de ce qui est maintenant. C'est la norme au moment qu'il a construit, c'est ça qui compte. Si ces choses-là étaient considérées légalement comme la norme, vous ne pouvez pas le traduire en justice. Par exemple, l'installation électrique. Si tu loues un appartement, le bailleur, lui, il regarde à la conformité de son appartement, l'électricité de ton appartement par rapport de ce qu'il a été auparavant, mais pas de ce qui est maintenant. Mais s'il construit des nouveaux appartements, là, il a l'obligation de... Voilà, c'est comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi les anciens bâtiments de HMP, ils ont été détruits et rénovés. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Pourtant, il y a toujours des anciens bâtiments. Mais non, c'est des bâtiments qui ont passé beaucoup de temps et ils doivent les détruire. Et il y a certains défis sociaux liés à ces bâtiments. Un défi social lié à ces des défis sociaux tels que le bâtiment qu'on a cassé chez vous, le grand bâtiment. D'abord, ce bâtiment. Attendez d'abord. Cet immeuble, elle n'a pas de d'aération dans le plafond. La tour. La tour. Il y a ce problème là. Ah, c'est le même problème que chez nous. Alors, c'est. Mais oui, c'était très haut parce que il faut jusqu'à 15e étage. Déjà, c'est dangereux. Il faut une astreinte. Ouais. Est-ce que vous avez compris? L'astreinte, des fois, ça coûte très cher. Est-ce que vous avez compris? Donc. Elle n'est pas adaptée parce qu'ils les ont fait dans une circonstance dans le passé où c'était normal. Mais aujourd'hui, ce n'est plus normal. Donc, c'est pour ça qu'on détruit ces bâtiments-là. Et ils ont passé beaucoup de temps. C'est des bâtiments qui ont fait depuis les années 70 aujourd'hui, depuis les années 60. Voilà. Donc, même la puissance, certaines sont vieux, ils ne tiennent pas. Un jour, ça peut crouler. Si ça tombe, c'est encore plus catastrophique. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est pour ça qu'ils vont les détruire pour reconstruire d'autres bâtiments un peu plus bas. Vous voyez, tous les bâtiments qu'on construit maintenant, oui, ils sont tous en bas. Voilà. C'est moins. Ça coûte moins cher, les bâtiments qui sont en bas. Pourquoi? Parce que les autres, il faut une surveillance constante. Et les mesures de sécurité doivent être draconiennes. Donc, il faut payer beaucoup. Alors que les petits bâtiments, on n'a même pas besoin d'ascenseur. Vous avez compris? On fait seulement des escaliers et donc l'entretien est moins cher. Et d'ailleurs, au niveau sécuritaire, c'est mieux. Vous voyez, au niveau d'habitat, si vous avez un bâtiment de 15 étages, vous avez tous les problèmes de la paperasse, l'odeur et toutes ces histoires-là. Et vous voyez même les dealers, ils sont surtout sous les grands bâtiments que les petits. Ouais. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de nombre de personnes, les entrées, sorties, ainsi de suite. Donc c'est pour cela, maintenant la norme c'est de revenir à ces petits bâtiments qui coûtent moins cher, qui au niveau sécurité c'est facile, et au niveau confort même au niveau confort pour les habitants, c'est mieux. Voilà, voilà l'histoire. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont mis la merde dedans aujourd'hui, ils sont en train d'enlever. On ne peut pas dire que ce habitat peut-être est mieux que l'autre à Champé. Sincèrement, je ne sais pas. C'est pas HMP, c'est ça dépend de situation. Regarde, HMP, leur entretien est mieux que 13 habitants. C'est vrai, moi j'ai entendu que ça habitait 13 et il y a moins de dealers là-dedans. Mais non, mais ça c'est autre chose. Leur entretien est mieux. Quand tu as un problème chez toi à la maison, oui. Ton robinet ou tout ça, la réaction d'HMP est très vite par rapport à 13 habitants. Mmh. Oui, moi je travaille chez HMP et j'habite chez 13 habitants. Donc, je vois comment ça se passe. Depuis que je suis rentré chez moi, tout travaux qui s'est passé, c'est moi-même qui l'a fait. Quand j'ai un problème et qu'on appelle, sur le tuyau, et on va dire non, ça ce n'est pas de notre compétence, ce n'est pas nous qui font ça. Oui, finalement, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'ils font. Alors que la HMP, ce n'est pas le cas. HMP, ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai entendu que l'habitat 13 est plus propre et qu'il n'y a pas de dealer là-dedans et qu'ils sont bien entretenus. Dealer, pourquoi dealer? C'est pas eux qui vendent la drogue. Pourquoi dealer? Parce qu'ils peuvent prendre des précautions. Non, c'est pas ça. C'est parce que HMP a construit des longs bâtiments. Ils sont beaucoup. Alors que 13 habitants, les bâtiments ne sont pas beaucoup grands. Oh, Combien d'étages ? Regardez par exemple les hirondelles. Moi j'habite les hirondelles. Là où j'habite, c'était 4 étages. Dans ces endroits-là, il n'y a pas de dealer. Mais les autres côtés qu'il y a beaucoup, ils sont, je sais pas, il y a 10 ou combien d'étages, c'est là-bas qu'il y a les dealers. Parce que les dealers, ils veulent quoi ? Ils veulent la confusion. Ils veulent des endroits où on peut, un jeune vient d'ailleurs, on peut considérer qu'il habite ici. Parce que quand il y a beaucoup de monde, les gens ne se connaissent pas. Est-ce que vous voyez ? Donc, le jeune va venir là-bas, il peut se dissimuler avec les autres. Alors que si c'est 4 étages, mais tout le monde connaît tout le monde, même si tu es venu le lendemain, les gens vont te connaître. Donc, ne rentre que les habitants. Alors que dans les grands immeubles, tout le monde rentre et sortir. Donc, les acheteurs peuvent rentrer, les gens ne peuvent pas savoir s'ils n'habitent pas ou ce sont des personnes qui sont venues voir de la famille. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est pour cela qu'ils veulent les grands bâtiments. Et les gants du bâtiment, il y a de l'insalubre, il y a plusieurs choses qui les satisfaites. C'est pour ça qu'ils veulent les grands bâtiments. Donc chez HMP, il y a beaucoup de grands bâtiments que de petits. Alors que tes habitants, il a investi dans les petites habitations. C'est ça l'histoire. Voilà. Et les immeubles d'HMP sont encore plus anciens. Frévalon, les quartiers là qui ont fait les Frévalon et autres. Mais la Castellane, je crois que c'est le Ogirem. Ils sont plusieurs. Hein, la Castellane, c'est l'Ogirem. C'est le petit bailleur, la Castellane. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, c'est lié à ça. Bon, on est rentré dans... On est sorti de notre sujet. On a eu des réponses. Maintenant, on arrête tous les questions. Il y avait des sujets qu'on a voulu traiter. C'est quoi vos questions ? Madame, parce qu'aujourd'hui, à tout le monde, madame. Même elle, on a dit madame. Oui, c'est la roche. Je vous écoute. Ça va être long. L'homme, la femme, tu as dit oui. L'homme, la femme. Non, la question que je posais, c'est ça la question qui... C'est pour la raison de l'homme, de l'être humain, en fait. L'être humain. Sur la terre. L'existence. Oui, l'existence. Eh bien, peut-être que c'est la question. Répondre à ces questions. Hein? Mais c'est ça. C'est important parce que j'ai regardé, je pense. Voilà, je vais être sur terre, la technique pour réussir à répondre au mot in. Qui suis-je déjà? C'est donc, quelle est la raison de l'existence de l'homme sur terre? C'est ça la question? Oui. Pourquoi on est là? Adorer Allah et la progéniture. Attends, est-ce qu'il y a cette question? Pourquoi suis-je là? Voilà. Ben, je pourrais dire sincèrement, est-ce que nous savons pourquoi nous sommes là? Nous savons qu'on est là pour remplir des tâches. Parce qu'il y a une différence entre pourquoi, la raison, et pourquoi, ou quelle chose. Vous voyez, les questions ne sont pas les mêmes. Ce que nous savons, donc religieusement parlant, notre tâche de base, fondamentalement, à remplir sur cette terre, il y a deux choses. La deuxième relative à la première. La première, c'est d'adorer Dieu. C'est ça la première. La deuxième, c'est la procréation. Donc, la question, c'est que nous sommes humains, n'est-ce pas? Nous, pour trouver la réponse de la question, nous sommes des humains. On est d'accord? On ne doute pas là-dessus, n'est-ce pas? Mais humain, ça veut dire quoi? Je suis humain. Vous êtes tous des humains. Mais je suis différent de vous. Si je suis différent de vous, que je suis humain, donc vous n'êtes pas des humains. Si vous êtes différent de moi, que vous êtes des humains, je ne suis pas humain. Vous avez compris ou pas? Moi, je suis un homme, vous êtes des femmes. Donc, moi, si je suis humain et que je suis différent de vous, donc vous n'êtes pas des humains. Si vous êtes des humains et que vous êtes différent de moi, donc je ne suis pas humain. Comment vous répondre à cette question? Que la similitude n'empêche pas de la diversité? Non, je n'ai pas compris. La similitude, le fait non, d'être... Non, je n'ai pas parlé de la similitude. Je parle de différence. Oui, mais pourquoi la similitude... Pourquoi tu parles de similitude? Parce qu'on est des êtres humains tous les deux. Donc on a cette similitude-là, mais elle n'empêche pas la diversité. Vas-y. Vas-y. Le fait d'avoir des points communs, ça n'empêche pas d'être différent sur d'autres aspects. Vous êtes d'accord avec elle? C'est le nom qu'on donne à une espèce, l'espèce. L'espèce. Donc, ici, notre différence n'est pas dans l'espèce. L'espèce, c'est l'humain, n'est-ce pas? Donc, on est tous humains, même si nous sommes différents dans le genre. N'est-ce pas? Oui, dans le genre, plein de choses. Hein? Dans plein de choses. Dans le genre. Dans le genre, ouais. Parce que j'ai évoqué le genre ici. Ce qui veut dire que si nous sommes humains et que nous sommes différents dans notre genre... Hein? Quelle est l'importance de la différence du genre? Vous avez compris ma question? Je peux répéter. Quelle est l'importance? Pourquoi nous sommes différents dans notre genre? Ben, c'est la diversité. La complémentarité. Là? La complémentarité. La complémentarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un rôle et qu'on... C'est quoi la complémentarité? On n'est pas complet sans l'ensemble. On s'enrichit. On n'est pas complet sans l'autre, on a besoin de l'autre. Qui? La femme et l'homme. Très bien. Donc la femme et l'homme qui font l'humain, les deux qui font l'humain absolu, l'humain parfait, et elles sont différentes de leur genre pour accomplir un rôle, n'est-ce pas? Donc l'objectif de la différence du genre, il y a un objectif, une raison pour laquelle il y a deux genres, masculin et féminin. Quel est cet objectif? Bon, si c'est l'adoration, l'homme et la femme elles adorent Dieu. Donc il n'y a pas de différence là-dessus. La procréation. Donc je vais dire, on est là pour la procréation. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est pour cela qu'on est différents. C'est pour cela qu'on est des hommes et des femmes. Parce que sinon, être homme et femme n'a pas de sens. Mais ça sert à quoi des procréations? Hein? Ça sert à quoi? Pour la continuité de notre espèce. Mais après ça va, c'est fini? Ça finira un jour. Voilà, mais pourquoi? Exactement. Ça finira, et là, on va aller à la deuxième chose, à l'adoration, qui va engendrer... En fait, c'est un cercle. L'adoration, la procréation, sont deux éléments complémentaires. On ne peut pas adorer si on n'existe pas. Vous avez compris? Et quand on existe... Et on continue à exister et qu'on continue à adorer. Et c'est cette adoration qui va être la règle fondamentale par laquelle nous allons exister. Ça veut dire, dans ce qu'on appelle l'adoration ou dans la religion, c'est elle qui met en place les règles fondamentales par lesquelles notre vie va être gérée. C'est-à-dire notre vie de couple... qui est le moyen par lequel nous allons procréer et géré par la religion. Donc, il y a trois choses. Il y a... on a dit deux choses. On a dit trois. Il y a deux choses. Premièrement, la procréation. Deuxièmement, la loi ou l'organisation des circonstances de la procréation. Et c'est cette organisation des circonstances de la procréation qui se trouve dans ce qu'on appelle les lois religieuses. Voilà. Vous êtes tous tus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas colère, je ne peux rien dire. Qu'est-ce qui reste à éclaircir? Tout. Quoi, par exemple? Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Il faut que, également, que pour que nous continuions à exister. À la fin, quand le monde finira, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, qu'en même temps, nous ne savons pas, mais nous connaissons les tâches qu'on doit remplir, mais la raison fondamentale pour que Dieu nous a créés, nous ne le savons pas. Parce que Dieu ne nous l'a pas dit. Mais s'il n'a pas dit qu'il fallait qu'on soit un khalifa sur Terre, justement. Non, mais justement, les uns, j'en dis, pourquoi après tu... Est-ce que c'est pas une des raisons Mais c'est justement ça la procréation, c'est justement ça le système que j'ai dit. Les anges disaient pourquoi crées-tu des êtres alors qu'ils vont foutre, qu'ils vont mettre le bazar sur terre. On a dit je sais des choses. Je sais ce que je sais ce que vous ne savez pas. Voilà. Mais il n'a pas dit ce que c'est. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit ce que c'est. Donc il n'a pas dit ce que c'est. Mais la seule chose qui importe, qui nous a dit, c'est que nous sommes sur terre, nous devons procréer et maintenir la procréation et l'adorer. Voilà. Et celui qui l'adore aura un fin meilleur. Mais l'adoration que nous adorons Dieu ne lui augmente rien et ne lui diminue rien. Et lui-même n'a pas besoin de l'adoration. En fait, c'est pour cela qu'on comprend que l'adoration n'est qu'un système pour améliorer notre condition de vie qui est de continuer la procréation. C'est-à-dire la procréation qui est avoir continuité de l'espèce et également de la maintenir. Ça veut dire l'éducation. Donc à travers la religion nous enseigne comment vivre et comment mettre en place la génération qui va nous remplacer. Par exemple, voilà, elle est là. Bientôt, elle va prendre la place de sa mère. Comment la mère va faire pour pouvoir la conduire, lui donner les éléments de sa vie future, de sa vie mère, parce qu'elle aussi deviendra mère. Donc, qu'est-ce qui nous donne ça? C'est la religion qui nous enseigne ça. Donc, la réponse que nous avons, c'est ça. C'est que, Allah Ta'ala, nous connaissons notre tâche. Mais le pourquoi qui est la raison, Dieu ne l'a pas révélé. Est-ce qu'on peut vivre sans savoir ça? Parce j'ai pas compris. Certaines personnes ont besoin de savoir, ou cherchent ce besoin de savoir. Mais il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Non, mais il y a toujours, en fait, c'est très important, oui. C'est ce qu'on appelle le mystère. Il faut laisser toujours le mystère. Et ce mystère, c'est elle qui continue à motiver l'individu. Une réponse, il y a toujours une réponse à la fin qu'on va te trouver une limite que tu ne peux pas aller au-delà. C'est pour ça dans un hadith, le sallallahu alayhi wa sallam dit, le shaitan il va venir chez l'homme, il lui dit, qui t'a créé? Il dit Dieu. Et il dit, mais qui a créé Dieu? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Nul n'a créé Dieu. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, la réponse de cette question, non. Le problème, cette question, ça passe où? Où est-ce que, qu'est-ce qui fait naître cette question? En fait, cette question va venir de l'ignorance. Et cette ignorance, elle est venue de... L'homme, dans sa vie, il va conformer toute chose par rapport à sa vie. Je vous ai dit il y a tantôt que vous prenez les règles sur l'Occident. Jamila a intervenu que c'est l'Occident qu'on connaît. C'est normal. On ne peut pas calculer ou bien on ne peut pas donner une image de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, pourquoi Shaitan, il pousse cette question, pourquoi cette question, elle gêne l'homme ou elle perturbe l'homme? Il va dire, qui t'a créé? Donc, c'est logique. Je suis créé, j'ai un créateur. Et une logique va venir, donc tout créé a besoin d'un créateur. Puisque tu es créé et que c'est Dieu qui t'a créé, donc Dieu qui l'a créé. Et voilà l'histoire, et c'est là l'erreur. Parce que cette question n'a pas de valeur, n'a pas lieu d'être, que quand on reconnaît Dieu comme créature. À ce moment, on demande que qui l'a créé. Mais puisque Dieu, lui, il est le créateur, donc il n'est pas créature. Donc il n'a pas quelqu'un qui l'a créé. Voilà. Donc cette question en soi n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, c'est la même question également. Quand nous disons pourquoi nous sommes là, parce que dans notre esprit humain, on doit avoir la raison d'être. Est-ce que vous avez compris? On doit avoir la raison d'être. Alors que ce n'est pas forcément que notre existence a une autre raison antérieure à notre raison, parce que quand on amène la deuxième raison, on cherche aussi la raison de la raison. Est-ce que vous voyez? Donc il y a toujours une chose que nous ne connaissons pas, la raison. Et que la connaissance de cette raison remite à Dieu. Et s'il ne l'a pas révélé, nous ne le savons pas. Où se trouve-t-il? Nous ne le savons pas. Parce qu'il ne nous a pas révélé. Mais en réalité, cette question n'a pas à être le où. Parce que le où définit le lieu. Le lieu est relatif. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand on dit un lieu, on a déjà façonné un endroit par rapport à quelque chose. La terre, les murs qui l'entourent. Mais admettons, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ciel. Il y a rien. Donc, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a le vide. Donc, il n'y a pas où. Mais le où, il est sorti dans l'esprit humain. Parce que c'est la réalité de l'homme. Alors que la réalité divine, il n'y a pas de lieu. Est-ce que vous avez compris? C'est le même problème du temps. Quand on pose la question sur le temps, elle est limité sur la terre. Le temps est terrestre. Vous avez compris? En dehors de la terre, le temps n'existe pas. Le temps, c'est quoi? C'est un élément qui temporise, qui est le soleil, par exemple. Le lever du soleil au coucher égale un temps. Ben, si nous disons qu'il y a un endroit, ce soleil n'existait pas, il a existé. Vous avez compris? Mais au moment que le soleil n'existait pas, comment était le temps? Ben, tout simplement, il n'y a pas de temps. Donc, le temps ne se pose pas. Mais le temps peut se poser tous les temps de la conception humaine parce que l'homme ne connaît que le temps. Donc, il continue toujours à poser la question sur le temps, alors que Dieu, lui, il n'y a pas de temps à lui. Donc, le temps est un repère. Donc, vous avez compris? Parce que Dieu aussi, il ne vit pas. Vous, on parle de temps, mais voilà. S'il n'y a pas de soleil, je vieillis, je crois que les trucs passent. Non, ça dépend de ce qu'on considère comme vie. Si nous considérons la vie, c'est de respirer et tout ça, eh bien, la vie divine n'est pas la vie humaine. Donc, puisque la vie divine est différente de la vie humaine, si nous calculons les choses sur la vie humaine, donc la vie divine n'existe pas. Alors que c'est faux. Deux choses peuvent avoir les mêmes noms, mais ne pas dire la même chose. Donc, Dieu vit, l'homme vit, la vie de l'homme n'est pas celui de Dieu, tout simplement. Dieu a une raison pour notre existence, mais cette raison n'est pas notre raison d'existence. Donc, lui, c'est notre raison d'existence dans son paramètre. Et nous connaissons notre raison d'existence. Notre raison d'existence, elle est biologique. Nous sommes des êtres biologiques. Donc, toute notre vie est biologique. Même notre réflexion, elle est biologique, physique. Et tout ce qui n'est pas physique, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas. Donc, c'est pour cela, la raison d'être, c'est ces effets qu'on vient de citer tout de suite, qui sont physiques et biologiques. C'est parce que c'est seulement à ce niveau que nous pouvons comprendre. Au-delà de cela, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas raisonner. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, quelle est notre raison d'être? De procréer et d'adorer Dieu. Tout simplement. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le Khalifa, du coup, c'était le système. Le quoi? Le système, en fait. C'était pas le but, mais c'était le système. C'était un outil, en fait. C'était, je sais pas. Quoi? Parce que moi je vous ai dit, est-ce que le khalifa c'est pas le but non. Mais après, non, c'est pas ça la question. C'est que j'avais compris que le khalifa c'est le système incarné sur l'individu, dans l'individu. Et du coup, dans le Coran, il y a des normes que Dieu nous donne, des règles. Est-ce que ces règles-là, elles sont au service justement de la préservation de... Est-ce que ce sont des outils pour préserver Dieu, quand il parle dans le Coran, il parle dans l'imaginaire humain. C'est ça, mais c'est pour revenir à ce que vous disiez justement précédemment. C'est-à-dire que nous, on a une vision humaine de ce qui nous entoure. Donc, on ne connaît pas ce qui nous est inconnu. Dieu parle dans l'imaginaire humain toujours. Même dans les verbes qu'il utilise, il utilise les verbes humains. Pourquoi? Parce qu'il parle aux humains. Et s'il parle dans son univers divin, on ne va rien comprendre. Regardez, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si c'est un hadith du verset coranique. Il dit que justement, il y a des choses que l'homme, je crois que c'est dans le verset coranique, il y a des choses que l'homme, de sa perception, il n'aurait jamais imaginé. Bien sûr, tout ce qui n'est pas physique. Tout ce qui n'est pas physique. L'homme ne peut pas l'imaginer. C'est un peu comme du conditionnement, du coup, ou pas? Bon, il ne faut pas nous mettre dans autre chose. Je finis avec ça d'abord. Tout tout ce qui n'est pas physique, l'homme ne peut pas l'imaginer. L'imagination de l'homme, ça se fait sur le physique. Je vous ai dit, comment on peut connaître quelque chose? Comment on peut connaître quelque chose, quelle que soit la chose? Il y a une règle. Avec ses définitions? Il y a une règle. Oui, définition, mais il y a une règle. Le mot défini va peut-être venir. Il y a une règle. La connaissance de l'homme parvient de deux choses. La première, c'est comment on appelle? La détection physique. La détection physique. L'œil voit, on voit quelque chose, on revoit, on le connaît. Est-ce que vous avez compris? Donc, la vision. On entend une voix, on l'entend une deuxième fois, on sait qu'on a entendu cette voix, on le reconnaît, on sent une odeur, on le ressent une deuxième fois, on sait qu'on l'a vu, on le connaît. On a goûté quelque chose, on le regoûte une deuxième fois, on sent, on sait qu'on le connaît. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ça, c'est les antennes biologiques et physiques. La deuxième, donc direct. La deuxième, le deuxième moyen, c'est par comparaison. Ce qu'on appelle la réflexion. La réflexion, c'est un élément qui fait la comparaison. Il y a trois éléments qui se mettent en accord. C'est le même système mathématique que nous utilisons dans tout ce que nous faisons. Et on va voir qu'un tas de paroles fonctionnent dans ce point-là. Toutes les définitions fonctionnent de la même manière. Toutes les définitions sont mathématiques. Les définitions que nous faisons de n'importe quelle chose, elle est mathématique. Vous voyez, quand je dis « elle est une fille », vous voyez, j'ai utilisé des mots qui sont mathématiques. « Elle est une fille ». Et « est », c'est égal. Le « est », c'est égal. Elle est remplacée par le signe « égal ». Donc, « elle » égale « fille ». Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça les définitions fonctionnent. Après, il va avoir des parenthèses, plusieurs parenthèses qu'on met pour venir à quelque chose. Voilà. Tout celui qui a les cheveux longs est une femme. Est-ce que vous avez compris? Donc, tout celui qui, parenthèse, a les cheveux, parenthèse, est une. Donc, ça plus ça égale. Donc, vous allez voir que toutes les définitions fonctionnent et sont mathématiques. Donc, je vais savoir les choses par cette relation mathématique qui est ce qu'on appelle la réflexion. Je prends l'élément qui existe, je vais le comparer avec un autre élément pour savoir ce qui n'existe pas. C'est ça la réflexion. D'ailleurs, le mot reflet peut-être en français, c'est pour cela qu'on dit réflexion. Le reflet, quand vous avez le miroir que vous mettez reflété par le soleil, vous allez avoir la lumière ici. Donc il faut le miroir, le soleil, ou bien la lumière du soleil, et la lumière qu'il va injecter, c'est le résultat. Vous avez compris? Donc, si je ne connais pas la panthère, et on veut m'expliquer ce que c'est la panthère. Donc, on veut me faire connaître la panthère. On est d'accord? On va me dire, la panthère, tu connais le chat? Je dis, oui, je connais le chat. Tu connais le mouton? Oui, oui, je connais le mouton. Une brebis. Eh bien, c'est le chat à la taille d'un mouton. Donc, vous avez compris. Donc, ça fait chat plus mouton égale quoi? Panthère. Donc vous voyez, je n'ai jamais vu la panthère, mais ma mémoire va mettre des éléments ensemble pour constituer une image qui est pour moi la panthère. Ça, c'est la deuxième manière par laquelle nous connaissons les choses. Donc, il n'y a que deux manières. Soit on l'a vu directement, la panthère, ou on n'a pas vu la panthère, mais on nous a fait cette combinaison d'images pour pouvoir venir à la connaissance de la panthère. Voilà les deux manières par lesquelles nous connaissons les choses, nous apprenons les choses. Sincèrement, j'ai oublié le départ. Dites-moi, sur quoi on est parti? Sur l'existence physique, tout ce qui est physique. Voilà. Justement. Donc, le problème, c'est que tous ces éléments que j'ai dit, qui est arrivé à notre connaissance, elle est physique. En dehors de ces deux-là, nous ne pouvons pas connaître la chose. Ça veut dire, j'ai vu la chose, c'est physique. Je n'ai pas vu la chose, mais les éléments qu'on m'a fait la combinaison avec, je les connais, je les ai vus tous. J'ai vu le, comment ça s'appelle, le chat, et j'ai vu le mouton, et mon esprit forme une image qui n'existait pas, et il la fabrique, il la donne. Et de là, je vais savoir ce que c'est une panthère. Donc, toute notre connaissance humaine ne se limite qu'à ça. En dehors de cela, s'il n'y a pas le chat dans la nature, je ne peux pas l'avoir. Donc, je ne peux pas le connaître. Si je n'ai pas vu le chat parce qu'il n'existe pas dans la nature, même si je connais le mouton, je ne peux pas savoir à travers le mouton la panthère. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est le même calcul. 1 plus 2 égale 3. S'il y a 1 et 2, je vais avoir 3, automatiquement, je vais la façonner. Mais s'il n'y a que 1, je ne peux pas avoir 3. S'il n'y a que 2, je ne peux pas avoir 3. Donc, vous voyez la fabrication. Donc, parce que tout simplement, les éléments qui n'existent pas sortent de notre environnement physique. Et puisqu'ils sortent de notre environnement physique, nous ne connaissons pas. Voilà l'histoire. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans un verset du Coran, تعرج الملائكة إليه والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges vont monter auprès de lui, donc ils descendent et ils remontent auprès de lui dans une durée de 1000 ans. Dans un autre, il dit dans une durée de 50 000 ans. Une journée dont la durée équivaut à 1000 ans. Donc regardez cette parole. Une journée que la durée égale 1000 ans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une journée donc. Est-ce que vous avez compris? Comment elle peut être une journée, elle peut être encore 1000 ans. Donc vous voyez pourquoi? Parce que notre calcul ici, d'abord, pourquoi on nous a présenté la chose de cette manière? Et où va venir notre réflexion? Nous allons le trouver étrange. Nous n'allons pas très bien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un calcul qui sort de notre environnement physique. Et justement, on nous a amené cette parole pour nous rapprocher de quelque chose que nous ne connaissons pas dans notre environnement physique. Ça veut dire, Allah Ta'ala veut nous expliquer. Et donc là où je voudrais venir, que Dieu parle à l'homme dans le verbe humain. Donc Allah Ta'ala a voulu nous expliquer la durée du jour du jugement. La durée du jour du jugement. Combien ça peut être? Combien de jours ça peut être? Et combien de durée ça peut être? Et l'objectif derrière toujours, c'est nous attirer à la foi, à faire attention. Et cette foi-là nous permet de faire attention dans les actes de la vie dans laquelle nous sommes. Ça veut dire, mon comportement à ton égard, à vos égards, elle est gérée par la foi que j'ai. Donc, et cette foi, elle va être construite par ces estimations à nous attirer l'attention. Vous voyez le cordon entre les événements. Ça veut dire que l'objectif final, c'est quoi? C'est mon comportement dans la vie de tous les jours. Mais comment je peux me comporter convenablement? Il faut que je sois conscient de la justice. Tout simplement. Que je sois conscient de la justice. Et que je sache que tous les actes... Regarde, on a parlé d'un homme qui tape sa femme tout de suite. C'est un comportement injuste. Et cette personne, s'il met dans la tête que tout ce qu'il est en train de faire, même s'il le fait en cachette dans sa maison, il y a des anges autour de lui qui notent ce qu'il fait. Et que le jour dernier, il sera questionné là-dessus, il rendra compte. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, il faut que je fasse attention. Il va dire, il faut que je fasse attention, sinon je vais le payer cher. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça va au moins réduire sa réaction de malfaisance à l'égard de l'autre. Donc, Allah nous dit que ce jour-là, qui est long, il va avoir des tourments pour certaines personnes. Pour revenir à la peur encore. Il va avoir des tourments pour certaines personnes. Et certaines personnes peuvent être dans le bonheur. Donc, que la personne qui est dans les tourments sache que le temps va être très long. Donc, au fur et à mesure qu'on vit très long dans une misère, au fur et à mesure que ça fait très peur de rentrer dans cette misère. Est-ce que vous avez compris? Au fur et à mesure, ça nous permet de mettre des mesures en place pour ne pas tomber dedans. Parce qu'on sait que quand on rentre dedans, on ne va pas sortir facilement. Donc, on va avoir peur de rentrer dedans. Et ça, ça crée un bouclier qui nous permet de se méfier à commettre les actes qui nous amènent à rentrer. Est-ce que vous avez compris? Donc, il a dit que la durée vaut 50 000 ans. Ce qui veut dire quoi? Ça va être long. Oui, exactement. C'est ça l'objectif final. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire dans cela? Il va réfléchir. Si un seul jour équivaut à 50 000 ans, et qu'un jour, non, une année, à combien de jours? 65. 65 jours. Combien va valoir une année là-bas? Est-ce que vous avez compris? Donc, ces versets vont aller coller avec notre verset dans Sourate Naba. Sourate Naba. La prophétie Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. À la fin, il dit labithina fiha ahqaban. Ceux qui vont en enfer vont durer dedans ahqaban. Et le mot ahqab, il disait que il a 80 ans. Certains vont dire jusqu'à 300 ans. Un seul hiqab égale environ 80 années. Une année égale 365 jours. Oh bon, on dit 354 parce que l'année lunaire. 354 jours. Une journée équivaut dans la vie d'ici-bas 1000 ans. Parce que 50 000 ans, c'est le jour de la... 1000 ans. Mais comment vous pouvez calculer ça? Ça veut dire seulement une éternité. Donc, vous avez compris. Donc, c'est ça l'objectif de ces versets-là. Donc, nous ne pouvons pas connaître la limitation, la durée que va se passer Al-Qiyam, la résurrection, le jour du jugement. Nous ne connaissons pas. Dieu l'a mis dans une forme de ce que nous connaissons dans notre bas monde pour nous faire comprendre que ça va passer beaucoup de temps, nous approcher la compréhension. Donc il a mis ce qui est divin dans la forme humaine pour que l'homme comprenne. Voilà. Oui. Est-ce qu'il est écrit un nom pour l'homme équivaut, il est écrit comme ça? Un quoi? Un nom pour l'homme, c'est qui veut dire 5000 ans. Oh, il écrit juste comme ça, un an qui équivaut à... Non, il a dit, attendez, un jour. Oui, un jour. Mais regarde, il dit un jour pour l'homme. Voilà, vous avez le... Regardez sur l'Ahqaf. C'est dans quelle sourate? Ahqaf, en français. Ah, vous voulez un mouchkaf? Voilà, même un mouchkaf, comme ça, on voit le numéro. Ah, c'est en bas. Hein? Un jour qui est trop beau. Non, 1000 ans. Il y a 1000 ans et 5000 ans. J'ai entendu que ce sourat, c'est bien pour tous les problèmes, machin. C'est vrai ou. Non, mais. Voilà. C'est des questions que je ne. Juste, j'ai lu ça hier, je crois. Oui. Ben. Je dis, j'ai dit à Arkaf. Ma'ari plutôt. Ma'ari, tu ouais. Numéro 4. C'est quoi le nom de quoi? La sourate naissante? Hein? Quoi le numéro 4? Ah, c'est le 44e sourate. 4e sourate? Non. 70e sourate. Mais c'est quoi le chiffre de la sourate? C'est combien de. J'aime bien le dire. 70? Oui. 70 sur la sur 70 verset 4. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, mais parce que tu n'écoutes même pas et tu es en train de délirer. J'ai dit, le surat c'est 70. Et le numéro de la Aya c'est 4. Mais ça ne dit pas que c'est un homme. Hein? Non, mais lisez-le. Les anges, un jour. Non, c'est pas un jour, c'est pas un jour, il n'a pas dit un jour. Il a marqué un jour, oui. Il a dit c'est un jour. Un, ici c'est l'article. C'est pas le nom. C'est un jour, vous me dites. C'est un jour qui. Voilà. Un jour, c'est de quel qui joue? Non, non, pas un nombre. C'est un article. C'est un jour. Ce jour-là, c'est un jour. Voilà. On parle que du le jour de la résurrection. On ne parle pas du temps qui vient après la résurrection. Donc c'est un jour qui est limité. Même si elle est longue, mais c'est limité. Mais en réalité. Et ça, c'est la subtilité de la langue. En réalité, on a traduit jour, mais ce n'est pas jour. Vous avez compris? Je m'en doute pas. On a traduit jour, mais ce n'est pas jour. Je m'en doute pas. Et c'est quoi? En fait, en arabe, quand on dit yom, en français, généralement, on traduit jour. Alors qu'en réalité, ce n'est pas jour. C'est le problème de la langue. En français, la différence entre la langue française et la langue arabe. La langue française est une langue analytique. C'est une langue qui éclaire, qui définit les choses définitives, qui définit directement. L'arabe ne définit pas les choses, n'est pas une langue définitive. Elle décrit un concept. C'est une langue descriptive. C'est ça? C'est une langue qui décrit un concept. Donc du coup, on ne sait pas de quoi on parle réellement. Si on ne le met pas dans un contexte. Vous avez compris? Alors qu'en français, dès qu'on dit la chose, on sait de quoi on parle. Comment on appelle un arbre en arabe? Shajara. Shajaratun, n'est-ce pas? Eh bien, Shajaratun, en réalité, ce n'est pas un arbre. C'est en fait quelque chose qui se... s'amène. Mais quand vous regardez l'arbre, des branches, ils s'entremêlent. Donc c'est ça le mot chaleur. Donc tous ceux qui s'entremêlent s'appellent chaleur. C'est pour ça que le Coran utilise un mot dans la guerre. Fima shajara bainahum. Ceux qui s'émêlaient entre eux. Donc il parle de la bataille, de combat. Parce que dans un combat, les humains c'est deux groupes que les gens se mêlent. Donc vous voyez le problème. C'est pour cela qu'on dit le jour dernier. Ça veut dire il y a un jour premier. Est-ce que vous avez compris? En français, quand on dit jour, c'est 24 heures. Ou bien du coucher, du lever du soleil au coucher. Alors que le jour, il n'y a ni soleil, ni nuit. Donc, en réalité, dans la langue française, ce n'est pas... C'est pas un jour. C'est pas un jour. En fait, on peut dire une époque. Un moment, voilà. Vous voyez? Donc, le mot jour, dans ce sens... est digne d'être le moment. Donc quand on dit le jour dernier, ça va être vraiment le dernier moment. Le dernier moment. Oui. Parce que le dernier moment, il y a le premier moment. En fait, il y a deux. C'est pour ça qu'on a dit le dernier. Quand il y a dernier, il y a premier forcément. C'est des choses que quand on évoque un, l'autre est inclus. Quand on évoque le premier, le dernier inclus. Quand on évoque le dernier, le premier inclus. Donc, c'est... la vie aujourd'hui qu'on appelle le premier jour. Et la deuxième vie de l'autre côté, c'est le deuxième jour. C'est pour ça qu'il n'y a que deux, il n'y a pas trois. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce n'est pas des jours. Toute la vie, tout le monde, ce n'est pas un jour. C'est des milliards de jours. On a appelé ça donc jour. Donc c'est très... Il faut faire attention à cette... Comment on dit? Cet écart entre les deux langues qui peuvent induire beaucoup d'erreurs. Ils peuvent avoir beaucoup d'erreurs à travers cet écart entre les langues. C'est pour ça que les gens ils se disputent des fois. Vous voyez, les gens se disputent dans un sujet Alors que, justement, c'est qu'un problème de traduction. Est-ce que vous avez compris? Donc, le mot yom en arabe, on parle donc, on a dit, d'un moment, c'est ça? Donc, c'est pour cela, des fois, on appelle la journée, le jour, la journée. On appelle yom, c'est venu dans le Coran. Dieu parle du châtiment des gens de Houd, que ça a fait 7 jours et 8 nuits. Il dit Sakharaha alayhim saba alayali wa thamaniyata ayyamin. Il a rabattu sur eux saba alayali, 7 nuits, et il utilise pour la journée ayyamin, jour. Vous voyez? Alors que ici, jour veut dire aussi la journée et la nuit ensemble. Donc on utilise le mot yom pour dire la journée et le jour, la journée et la nuit, les deux en même temps. On l'utilise pour dire que le jour, pas la nuit. On l'utilise pour dire un laps de temps dans lequel un événement s'est passé. Par exemple, quand Dieu dit Wayom Hunaynin, il parle du combat qui s'est passé à Hunayn. Le combat ne se passe pas dans un jour. Une guerre ne se passe pas un jour. Il se passe dans plusieurs laps de journée. Donc, si on veut comprendre vraiment le mot Yom, ça veut dire tout simplement laps de moment dans lequel un événement s'est passé. Ce n'est pas le temps ni l'événement, c'est les deux à la fois. Donc, l'autre ne peut pas donner la définition sans l'autre. Alors qu'en français, Yom, jour, c'est le temps. On ne parle pas de l'événement qui se passait dedans, mais on peut appeler aussi au figuré la chose et l'événement qui se passait dedans. Vous voyez? Vous avez le film Last Day, le dernier jour, ou le jour d'après. Donc, ça veut dire ici, on a prêté attention pas au temps, mais l'événement qui va se passer dans le temps. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà. D'ailleurs, le temps n'a pas de sens s'il n'y a pas un événement qui se passe dedans. C'est un film catastrophique. C'est un film catastrophique. Catastrophique, hein. Donc, en fait, la question que je me pose maintenant, oui. C'est inutile de lire le Coran en français, par exemple. Oui, moi, tu as raison. Je laisse tomber, hein, parce que c'est ça, Sarah, j'ai commencé à lire et j'ai dû répéter plusieurs fois les mêmes, c'est même pas les chapitres. Hein. C'est les deux pages que j'ai commencé parce que je comprenais rien. Je dis, c'est pour les philosophes, ça. Alors, laisse tomber. Non, c'est pas ça. Regarde le problème. J'ai appris ta personnalité à travers deux choses. J'ai appris ta personnalité après deux choses. La négativité. Oui, c'est ça. Ça, j'assume actuellement que c'est négatif. Donc, c'est pas faut... fier, mais c'est pas une fierté, mais voilà. Il faut aller dans la positivité. Il faut se dire. Ça s'apprend. Et si tu dis, ouais, je peux l'apprendre, mais il faut que je l'apprenne avec quelqu'un qui la connaît. Qui la connaisse. Tu as compris? Tout simplement. Donc, apprends-le, parce que quand tu dis, tu vas plus le lire, ça y est, tu vas laisser tomber. Et bien, même le peu que tu peux apprendre dedans, tu ne peux pas l'apprendre. Lis-le, mais. Ne sois pas absolu dans ton esprit que je comprends, je connais ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que il y a subjectif, j'ai appris, je lis quelque chose. Si j'ai des doutes, je pose la question à quelqu'un qui connaît, comme ça il va me détailler. Je vais pas arrêter, parce qu'un verset, déjà j'ai des doutes. Hein? Quand j'ai un verset, j'ai des doutes. C'est déjà très bien. Vous savez que le doute, déjà, c'est quelque chose de bien. C'est dès qu'on doute de quelque chose, c'est déjà une propulsion vers la vérité. La certitude, la conviction est en même temps bien et mauvais. Si on est convaincu sur le faux, c'est mauvais. Donc, il faut douter du faux pour pouvoir aller vers la vérité. Parce que ces doutes-là nous poussent à chercher. Mais quand on est convaincu du faux, on ne cherche pas. Parce qu'on est convaincu, pourquoi je vais chercher? Est-ce que vous avez compris? Donc déjà, le doute, c'est très bien. C'est pas ça au Brésil. Parce que je suis brésilienne, j'étais chrétienne. Alors on est je sens ton accent espagnol. On est tellement convaincu. Ou italienne, je pensais au départ. Portugais. Ah, ok. On est tellement convaincu que Jésus, il est Dieu, qui même moi, quand j'ai dit, j'avais 13 ans, et à l'église, quand j'ai dit qu'il y a quelque chose qui cloche là. Très bien, tu sais. Moi, j'étais possédée. Vous voyez? Oui. J'ai expulsé l'église parce que j'avais un mauvais esprit dans moi. Et c'est ça le problème. Et c'est très bien. C'est... En fait, quand tu m'as posé une question dans le fait de penser à l'inexistence de Dieu, eh ben, j'ai pensé automatiquement à la culture qu'on t'a inculquée de Dieu. Justement, j'ai voulu même te poser la question, quelle est ton, oui, parce que vous avez dit, ton idée à l'égard de Dieu, de me définir Dieu. En fait, le christianisme a fait beaucoup de mal. Est-ce que vous avez compris? A fait beaucoup de mal, peut-être inconsciemment. Le christianisme et le judaïsme. Bon, vous allez dire, mais parce que je suis musulman que je dis ça. C'est pas à cause de ça, sincèrement, je vais dire. Le christianisme a laissé des sous-entendus qui ont poussé aux ennemis, si vous voulez, de la religion d'abord et du christianisme à dire des choses. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le Nouveau Testament, lisez dans la biographie de Jésus. Vous allez voir que Jésus, la mère de Jésus était mariée à Joseph. Vous avez compris? La mère de Jésus était mariée à Joseph. C'est au moment d'un recensement que Joseph va amener, entre guillemets, sa femme. Et comme elle était, elle était enceinte ou quoi? En tout cas. Mais comment vous voulez que les athées, les gens qui ne sont pas croyants, peuvent admettre encore que Jésus est le Fils de Dieu alors que sa mère était mariée à un homme, qu'ils vivaient ensemble? Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est un. Dans un autre endroit de la Bible, il dit ça, son fiancé. Est-ce que vous avez compris? Donc, d'un coup, c'est sa femme. L'autre côté, c'est son fiancé. Son fiancé, c'est ça? Donc, lequel va être la vérité? Donc, ça reste un sous-entendu que certaines vont dire des choses sur Jésus. Donc, ça, c'est un. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez le Coran, c'est formel. La naissance de Jésus, c'est clair. Il n'y a pas de doute dessus. Parce que Marie n'était mariée avec personne. D'ailleurs, il est dans un endroit qu'aucun homme ne peut être auprès d'elle. Et elle est sous la surveillance, parce que son père est décédé, sous la surveillance du mari de sa sœur, qui est déjà vieux, et qui est un pieux. Zacharie, j'ai une question. Est-ce que la Vierge Marie, c'est la vérité? Oui. Oui, bien sûr. Vous me dites, c'est la femme de Zacharie, là? Oui, c'est ça, ça. Ah ouais. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est pour ça que Jésus et Yahya, ils sont cousins germains. Non, Imran, c'est la cousine. Hein? Non, c'est Imran qui explique ça. Oui, ils sont déjà cousins germains. Donc vous voyez, quand vous lisez le texte du Coran, ça convient, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que quand tu vas lire le Nouveau Testament, il y a d'ambiguïté. Ça, c'est un. Regardez, il y a une religion qui s'appelle les Luciféliens. C'est les adorateurs de Satan. Eh bien, la Bible a laissé des sous-entendus qui conduit à ce que Satan aussi est un dieu. Et c'est ça qui est rentré dans la langue française. Le bon Dieu. L'inverse. Le mauvais Dieu. Donc il y a un bon et un mauvais. Donc Dieu est le bon Dieu et qui est le mauvais? C'est Satan. Et c'est donc c'est un Dieu. Le point sur le chéquier où ils disent que c'est une dualité entre Dieu et... Mais oui, justement, je voudrais venir à ça. Lucifer, c'est quoi? C'est le boule de lumière qui tombe sur terre. C'est Satan, le boule de lumière qui sont dedans. Déjà, c'est une lumière. Satan est une lumière. Vous voyez? Le fond même des ténèbres est considéré comme une lumière. Et que, justement, c'est le conflit entre Dieu. Oui, bien sûr. Donc, toutes ces choses-là ont laissé des sous-entendus qui vont créer ce qu'on appelle l'athéisme d'aujourd'hui. Et quand vous regardez, l'athéisme est né à travers le conflit avec l'Église. Excuse-moi, est-ce que c'est vrai que Cheikhan, il est marié et il a des enfants aussi? Bon, l'islam n'a pas parlé de ça. Voilà. Qu'il est marié. Mais... Il a des enfants? Non, oui, exactement. Dans l'idée de l'islam que Satan, il est en même temps hermaphrodite. Elle est hermaphrodite. En même temps, masculin, féminin, donc en tout cas, c'est lui qui engendre les djinns. C'est comme les djinns, la conception. Ils se divisent en deux, ça va. Et quoi? C'est quoi? J'ai rien dit. J'ai entendu, mais je ne sais pas si c'est vrai, les crabes. Les quoi? Les crabes. Oui, c'est hermaphrodite aussi. J'ai entendu ça. Qu'elles sont en même temps masculin, féminin. Oui. Voilà, est-ce que les djinns, ils ont des enfants? Ils en ont. Il y a des femmes et des hommes. Donc on ne va pas sortir dans notre sujet. En fait, je dis, il y a plusieurs malentendus que l'Église a laissés et en même temps, certaines réactions de l'Église à l'égard de toute personne qui ne partage pas la même conception que lui. Et ces réactions-là ont créé le monde que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, quand nous regardons très bien depuis la base, c'était une seule Église, l'Église mère, l'Église basilique, romaine. Et après, sur la personne de Jésus, ils vont vraiment se diviser, beaucoup. Ils vont se diviser, est-ce que Jésus est Dieu ou bien le Fils de Dieu? Il a deux natures, nature humaine, nature divine, dans un seul corps. Donc il y a toutes ces questions-là qui, justement, comme tu dis, l'esprit ne peut pas comprendre. Est-ce que vous avez compris? Donc cette histoire va continuer jusqu'au moment de la reconstruction de la grande basilique qui va créer ce qu'ils appelaient les testaments, les certificats de confession. Voyez, l'Église veut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir, les prêtres veulent avoir beaucoup d'argent pour construire cette basilique. Ils vont vendre même les confessions, la confession. Voyez, la confession, on va se confesser devant le grillage, le père. Père, j'ai péché, j'ai commis ceci, cela, pardonne-moi. Et il dit, mon fils ou ma fille, tu es pardonné. Donc, à un certain moment, on veut une attestation. On te fait une attestation que tu dois payer d'être pardonné. Donc ça, ça... Si c'était aussi simple que ça, je vais tous les jours. C'est ça. Mais après, il a des branches. Hein. Il a la branche. Voilà, c'est ça qui va, c'est ça qui va pousser. C'est ça qui va créer au protestantisme. Les protestants vont se révolter contre ça. Maternité va se révolter contre ça. Et l'erreur de l'Église, c'est qu'il va réagir avec la force. Il va considérer toute personne qui dit une opinion. Alors qu'au départ, ce que disait Luther était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait intelligent. C'est un professeur. Vous voyez. Donc à la fin, ça devient deux églises qui sont rentrées dans des guerres fratricide, on dit, des années et des années, tout le long du début du Moyen-Âge. Vous voyez. Et c'est ça qui va conduire également cette réaction de l'Église à l'égard, parce que l'athéisme va commencer maintenant, surtout en France, le gallicanisme, et l'Espagne, surtout, la France et l'Espagne. Et c'est là que les francs-maçons vont venir. C'est là que l'athéisme va naître. Vous voyez, qui va continuer à la Révolution française, qui va être peut-être la fin entre la guerre entre le catholicisme et le protestantisme. Donc, vous voyez, quand on regarde à travers toute cette histoire, on va voir ces côtés flous, incompréhensibles que l'Église va, le christianisme va laisser, c'est elle qui va engendrer beaucoup de choses. Donc, ceux qui ont prétendu que Satan est un dieu aussi, certains disent qu'ils l'adorent, pas parce qu'il va faire le bien, mais parce qu'ils vont s'éloigner de son mal. Je viens de dire que la femme qui est battue par son mari, pour se protéger contre ce mari-là, il faut qu'elle soit passive. Donc, si Satan est un dieu et qu'il commet le mal, il faut l'adorer pour qu'il nous laisse tranquille. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà leur conception des choses. Donc voilà un peu... La chose que qui revient à ce que tu dis, parce que si on dit Jésus est Dieu, Attendez, c'est un être humain, il est mort sur la croix, il a mangé, il a bu. Non, mais le droit, c'est que dans la Bible, il n'y a aucun endroit. Qu'on a fait. Exactement. Dans le monde, c'est ça. Exactement. Et il prend des phrases que Jésus a dit pour dire voilà, ici. Voilà, exactement. Ça ne veut dire rien. Voilà. Il n'a pas dit je suis Dieu. Non, voilà, non, quand il disait mon Père qui est aux cieux, c'est votre. Voilà, mon Père qui est aux cieux. Ben, le mot Père, on disait que. Regardez, justement, c'est très important quand tu disais que la langue. Lire en arabe. Eh bien, justement, regardez. Le mot père, en fait, si Jésus devait parler une langue, il devait parler, comme on dit, l'araméen. C'est ça la langue de base de Jésus. L'araméen, ce qu'on appelle les 6 tribus sémites. L'araméen, l'hébreu, l'arabe, l'éthiopien et le cananéen. Et le phénicien, certains disaient, ou bien les assyro-caldoniens, ces langues sont 6, ils sont de la même origine, de la même nature, de la même origine, on les appelle les langues sémitiques. Ils ont le même aspect que je viens de dire tout de suite, ils sont des langues conceptuelles. C'est un concept, ça définit un concept, mais ça ne définit pas un contexte. Donc, Jésus devait parler araméen, donc sa langue est comme l'arabe. Le mot... Ces attributions filiales dans les langues comme l'arabe et autres ne veut pas dire la filiation. Par exemple, il y a « akh al-arab ». Ça veut dire « ayyuh al-arab ». C'est pour exemple « ibn al-sabil », le fils de la route. Ça veut dire la personne qui voyage, c'est ça qu'on appelle « fils de la route » en arabe. En français, quand tu dis « fils de la route », les gens vont se moquer. Est-ce que vous avez compris? Quand on dit fils de la route, les gens vont se moquer. Alors que dans la langue arabe, quand on dit fils de la route, on va dire le voyageur, on parle du voyageur. Quand on dit le père de quelque chose, ça veut dire l'autorité, le chef. Donc, Jésus a utilisé le mot père et dit mon père qui est aux cieux est votre père. Et il dit aux juifs, vous prétendez être le fils de Dieu, mais vous êtes le fils du diable. Est-ce que vous avez compris? Ici, le mot fils ici, ça ne veut pas dire que c'est le diable qui les a mis au monde. Parce que Jésus sait très bien qu'ils sont les fils d'Adam. Mais ça veut dire tout simplement celui que vous adorez, c'est le diable. Donc le mot fils ou le mot père est utilisé dans ce sens-là. Mais les chrétiens vont trouver une solution à l'utiliser dans le sens biologique et dire que Jésus est le fils unique de Dieu. Et quand on dit, ben, s'il est le fils unique de Dieu, alors que lui-même dit, mon père est votre père, donc, ils sont aussi, et les juifs même se disent qu'ils sont les fils de Dieu. Donc, mais comment vous allez faire? Ils vont dire, non, il est le fils de Dieu, ça veut dire le fils engendré. Dans certains Nouveaux Testaments, les petits Nouveaux Testaments, là, tu trouves le fils engendré de Dieu. Tout simplement pour continuer dans la mentalité du fait que Jésus est le fils biologique de Dieu. Mais si vous dites que Jésus est le fils biologique de Dieu, mais vous laissez aussi un sous-entendu que Jésus, Dieu aurait couché, excusez-moi le terme, avec Marie. Est-ce que vous avez compris? Parce que s'il est le père et que Marie est la mère, ben pour qu'un père ait un enfant avec une mère, nous, ce que nous connaissons en tant qu'humains, c'est le côté biologique et ça ne se colle pas. Et on voit qu'une idée directement qui descend de la Rome antique ou bien dans les sociétés antiques, qui sont les déesses qui vont donner, comment on les appelle, des... Voilà, exactement. Donc, on est dans cette mentalité grecque, tout simplement pour expliquer Jésus. Donc, voilà, donc c'est en grosso modo ces choses-là. Donc, ton problème n'est pas Dieu en soi, en fait. C'est l'image qu'on t'a donnée de Dieu au départ. Ah, c'est pour ça que vous avez dit imagination? Oui. Ah ouais, parce que j'avais montré... Non, quand je dis imagination, je pensais que c'est une idée que tu as imaginée. Ah, moi? Ouais. Ah. Et que ce n'est pas une question de base. D'accord. Voilà, parce qu'on peut poser cette question parce qu'on se la pose. Mais on va le mettre dans une forme. Non. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une imagination ou bien c'est une véritable question? Non, c'est pas que voilà. Maintenant, je pense que vous avez compris. Même si j'ai pas de surprise, je voulais savoir. Mais c'est bien. Bon, s'il y a d'autres questions. Pourquoi vous nous avez conseillé avec Chou? Ben, c'est tout simplement que chacun de nous, dans notre vie, a des blessures. Et ce sont ces blessures-là qui nous empêchent vraiment, d'abord, de bien vivre. Et quand on ne comprend pas ces blessures, on va réagir sans comprendre. Et après avoir compris ces blessures-là, on va contrôler nos réactions. On va comprendre que, oui, en fait, l'autre qui réagit, il est dans la même démarche que nous. Donc, on arrête de blâmer beaucoup les gens. Ouais, parce que bah, du coup, pour le peu, enfin, pour ce que vous avez demandé de lui, quand je dis un truc, je réfléchis deux fois maintenant. Ah, très bien. Mais c'est très important. Deux fois. Ça, c'est très important parce que ça nous permet de connaître la vie. Pour connaître, moi, je pense que, bon, c'est ça, c'est l'idée. En fait, pour se connaître, il faut connaître les autres. Et pour connaître les autres, il faut se connaître. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça se résume là. Pour se connaître, il faut connaître les autres. Pour connaître les autres, il faut connaître soi-même. Donc, on se définit par rapport aux autres. Exactement. Donc ça nous permet d'arrêter... de comprendre tout simplement l'autre, pourquoi il agit. Et justement, le conditionnement. On revient au conditionnement. En fait, notre vie entière est un conditionnement. On ne se rend pas compte. On est conditionné. Si, j'ai compris quand vous avez... Voilà. Toute notre vie, c'est comme ça. Vous avez lu ce livre? Moi, je... Non, je l'ai lu dans le truc sur l'ordinateur. Ça, vous l'avez lu? Pas tout. C'est pour ça l'image que je donne toujours aux gens... de ce que nous sommes humains. En fait, moi, je vais loin d'ailleurs. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains programmables, comme des machines. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes des êtres humains programmables comme des machines. Croyez-moi. On est plus intelligent que les machines. Les machines sont des instruments dans notre maîtrise. Mais nous agissons de la même manière. En fait, nous n'avons fait que fabriquer des choses comme nous. On s'est utilisé de nous-mêmes pour faire des choses. Regarde, quand tu viens, donc c'est l'exemple que j'aime beaucoup, parce que je connais un peu dedans qui est l'électricité. Quand vous venez à Carrefour ou n'importe quel bâtiment, quand vous rentrez, vous voyez la porte qui va s'ouvrir, n'est-ce pas? La porte va s'ouvrir et quand vous rentrez, il va se refermer. On dirait que cette porte, il vous a senti comme si c'était un être humain que vous voulez quelque chose, il vous le donne parce qu'il a compris ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette porte? Il y a premièrement un détecteur de mouvement. Ce détecteur de mouvement, il va te détecter. Et il y a une combinaison. On appelle ça... il y a un terme là qu'on utilise dans l'électricité. C'est de programmer quelque chose qui va programmer un autre, qui va programmer automate. Un autre. Qui va... Hein? Automate. Oh, oui, il y a l'automate. C'est ça qu'on utilise. On utilise ça dans... Oui. Non, il y a un mot qu'on utilise. Ça, on l'utilise dans les ascenseurs. Dans les ascenseurs. Tu vois, quand tu appuies sur le bouton de l'ascenseur, mais un seul geste tu as fait. Mais il y a plusieurs gestes qui vont se suivre. Non, l'algorithme, c'est le système mathématique. Succession? Non, laissez tomber. Okay. Donc, et quand tu appuies, il va envoyer le contact. Ce contact-là va ouvrir un autre contact. Ça veut dire, il y a le contact de d'abord ouvrir la porte ou bien d'appeler l'ascenseur qui est en haut. Quand il vient, il s'arrête. Quand il s'arrête, la porte extérieure va s'ouvrir d'abord, après la porte intérieure s'ouvre. Vous avez compris? Non. Après, quand l'autre s'ouvre, après vous allez rentrer. Après, la porte extérieure va s'ouvrir. Après, la porte intérieure va s'ouvrir. Après, il remonte. Donc, vous voyez, c'est plusieurs choses qui sont successives. Comme de l'intelligence. Donc, comme si c'est un être qui comprend, il ouvre ça, il ferme ça, ça avance. Eh bien, l'homme réagit de la même manière. Nous avons aussi des détecteurs en nous que dès que la détection se passe... Eh bien, la synchronisation des choses vont continuer. Et ça ne s'arrête pas. C'est un contact qu'on a ouvert et ce contact ne s'arrête pas. Une percussion. C'est quoi? c'est l'émotion et la passion. C'est ça notre détecteur. Si tu marches dans la rue, quelqu'un t'insulte. Si tu marches dans la rue, quelqu'un t'insulte. Moi, je donne l'exemple aux hommes. Je dis, si tu marches dans la rue et quelqu'un, tu étais avec ta mère, et quelqu'un a insulté ta mère. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? Zidane. Hein? Zidane. Mais dites-moi ce qui va se passer. Il va faire un coup de poing. Vous voyez, il va se mettre en colère. Avec sa tête. Maintenant, ça continue. Ça va aller même dans la bagarre. Il se tape, il se tue, et ainsi de suite. Donc, regardez, cette personne n'a fait que... n'a dit qu'un mot. Il ne t'a pas touché. Mais ce mot-là, tu as une sensibilité à ce mot-là. Et c'est cette sensibilité qui a créé cette réaction intérieure en toi qui va faire émouvoir ton intérieur et ensuite tes membres physiques qui va aller jusqu'au tabac. Donc, ça veut dire que si quelqu'un connaît notre code, il fait de nous ce qu'il veut. Il faut qu'il sache dans notre tradition ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que si on nous le fait, on ne pardonne pas. Et qu'il fasse ça. Donc tu vas voir, percussion, il sait déjà comment on va réagir si on nous dit ce mot-là et il veut qu'on réagisse de la sorte. C'est simple. C'est pour cela qu'on attaque souvent les femmes chez les musulmans. Soit on attaque le voile, soit on attaque autre chose. Regardez quand ils ont fait le film là sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2012, ça a créé la folie chez certaines personnes. Ils savaient très bien la réaction que les gens vont réagir parce qu'ils connaissent les personnes et comment ils vont réagir et qu'est-ce qu'il faut faire, dire plutôt pour les faire réagir. Donc voilà la situation. Donc l'homme est comme ça. Nous sommes comme ça. Donc tu vas voir que ce mot-là qu'on a dit, qui est seulement un mot qui est rentré dans les oreilles, maintenant c'est ça qui va déclencher la programmation. Donc on est conditionné. On est conditionné. Et donc les paramètres de conditionnement, ce sont déjà ces blessures au fond de nous. Chacun de nous a une manière d'agir en fonction de la blessure qu'il a. Le fait de les connaître, en fait, ça met une pause sur les étapes. Exact. Oui. On bloque déjà la première étape. Déjà la première étape. En plus, ça veut rien dire des fois les insultes, mais comme on sait que c'est pas bien, c'est ça. C'est ça. C'est des mœurs. Regarde, justement, c'est très important. Excusez-moi, c'est des termes que je n'ai pas. Regarde le doigt d'honneur. Dans certaines cultures, tu le fais. Déjà, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne dit rien. Pour lui, ça n'a aucun sens. Mais d'autres, si tu le fais, vous allez vous taper. Donc, vous voyez. Mais bon, en prison. Voilà. Donc, tu as compris. Donc, vous voyez, c'est une code de programmation dans cette couture, dans cette culture qui va faire réagir les gens. Alors que cette code de programmation n'existe pas chez les autres. Donc, ils ne vont pas réagir. Vous avez compris. Donc, c'est ça. Donc, l'homme est comme ça. Mais tout ça n'exclut pas notre responsabilité dans les actes. Mais justement, la responsabilité, c'est le fait de savoir. C'est ça que je voulais vous dire.